même souvent tu te retrouves dans un resto pour être ensemble, passer un moment ensemble, et t'es sur le téléphone. Moi, ça me fout un bourdon. Ouais, coup de gueule entendu, Marie. On est tous d'accord avec toi, et je le prends pour moi. Je vais faire un peu attention. Ouais, fais gaffe. Bon, c'est bien. On t'embrasse. Bisous, bonne soirée. Bisous, Marie. Bisous. Bisous. Ouais. Thibaut, on t'a pas entendu sur ton coup de gueule, toi, mon chat. Ah, moi, je suis hyper vénère contre Apple. Pourquoi ? Parce que donc là j'avais acheté un iPhone 8, donc déjà ça m'a coûté vraiment un salaire, tu vois. Ouais. Et donc j'achète mon iPhone 8, le gars me le vend en mode, en plus le gars tu peux le mettre dans l'eau, c'est waterproof machin et tout. Donc il me dit y a pas de galère, ça fait partie du truc, c'est norme. Donc genre si t'as un problème avec ça, il passera en garantie. Mon téléphone va dans l'eau, je l'amène chez Apple, le gars le premier truc il me dit ah par contre s'il était dans l'eau il passera pas la garantie. Casser les couilles en fait. Bah, non, déjà, alors t'as raison, mais Thibaut en fait il est waterproof si par exemple t'as un souci, un truc. Mais Thibaut, j'ai vu. Il est waterproof jusqu'à un mètre dans l'eau. Ouais, c'est ça. Toutes ses Insta stories tous les jours pendant au moins 5 heures par jour, il était dans l'eau le gars avec son téléphone. Oui, cela dit, Bab, le gars d'Apple est pas censé le savoir. C'est-à-dire qu'il il arrive avec mon téléphone est tombé dans l'eau, on lui dit c'est pas pris en charge par la garantie. Non, publicité mensongère. Et voilà. Ouais, et en plus, j'étais hyper vicieux parce que du coup quand je l'ai amené, je me suis dit putain, mais faut que j'efface toutes les photos. Donc j'ai effacé toutes les photos une par une. Tu vois, genre de moi dans l'eau, je me suis dit comme ça, si je regarde dans le truc, paf, il y aura pas de preuve. Et paf, ça n'a pas marché. Merci Sherlock. Oui, Flo. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les iPhones résistent au feu. Donc si vous en avez un, allez-y, essayez. Non, pas du tout, faites attention. Alexis est à Fontenay-sous-Bois, il nous a appelé, il a 14 ans, le beurre. Bonsoir Alexis. Salut beurre. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alexis, 14 ans, on est très content de t'avoir. Est-ce que les vacances se passent bien ? Ouais, mais c'est bientôt la rentrée. Hein. Ah, c'est pas un coup de gueule là-dessus ? Non. Ah bah on t'écoute alors. C'est sur les séries, genre sur Netflix. Elles prennent quand on a terminé une saison, les prochaines saisons, elles prennent trop de temps à venir. Ouais. Oui, bah oui. Normal. Alexis, pour ça, j'ai envie de t'applaudir. Oh non. Ah non. Bah si, il a raison. Ah non. Si. Mais non, mais bien évidemment que ça met du temps. On va pas tourner une série, enfin une saison entière en 3 mois. Non, mais je sais, j'entends bien. Mais Stranger Things. Par exemple. Ouais, genre par exemple, sur Netflix, Brooklyn Nine-Nine, tu passes pour regarder. Hmm non. Et ben genre, elle n'est pas sortie sur Netflix, la saison 5, alors que sur Canal VOD ou des trucs comme ça, c'est déjà sorti. Ouais. Oui, mais après, voilà, Pablo a raison d'un côté, il faut laisser le temps aux scénaristes, aux producteurs de tourner les saisons qui suivent. Hein, j'entends bien, je suis d'accord avec vous, mais Stranger Things, par exemple, la saison 3 qui avait été normalement annoncée pour début 2019, il nous la repousse à octobre 2019. Ouais, c'est relou. Ah, c'est oui, des coups à péter un plomb, les gars. Bah, non, mais non. Alors tu donnes pas de date, tu t'avances pas. Une c'est promesse, ça. C'est une promesse. Ouais, t'as raison. Moi, je vous trouve dur. Mais c'est vrai. Puis en plus, quand t'es à fond dedans, bah, t'as envie d'avoir la suite. Sinon, tu vois, Game of Thrones, là, ça y est, moi, j'ai oublié tout ce qui s'est passé. Et quand elle va arriver, la saison, je serai plus dedans. Bah oui. Ça fait trop longtemps. Voilà, je suis d'accord. Il faut anticiper, sinon il faut tout tourner les saisons d'un coup et puis les distiller après la suite. Oui, Flo. Non, mais vous êtes dur avec Netflix. En plus, ils font l'effort de balancer toute une saison d'un coup. Ils font pas épisode par épisode. Ça, c'est vrai. Donc vous êtes dur quand même. Non, on n'est pas dur avec Netflix. Tu te débrouilles. T'as voulu nous rendre accro à ta série. Bah, tu te débrouilles. T'en fais les quoi des conséquences. Je savais pas que ça marcherait autant. Je m'en fous, Flo. C'est pas en ce moment. Non, vous êtes dur. Bon, eh ben écoute, tu as créé le débat, Alexis, mais le coup de gueule est entendu et partagé par Anso. On t'embrasse. Ouais. Bisous. Bisous Alex. Bisous le ref. À bientôt. Et garde la pêche, hein, ouais, Alex. Hein, garde la pêche comme ça, là. Il y a beaucoup de coups de gueule qui arrivent encore sur les réseaux. On peut pas faire tout le monde, hein, puisqu'on est là que jusqu'à 22h. Mais on refera une session beach dès que possible, c'est promis. Pas de panique, mais là, il est 21h59. Il est l'heure d'accueillir l'équipe de Love in Fun, de leur dire bonsoir. Bonsoir Karel. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir à tous et à toutes. Salut. Bonsoir. Salut. Mais Karel, en fait, vraiment, mettez-vous sur le live parce qu'il y a tout qui va avec, quoi. C'est sa petite tête, quoi. La gestuelle. Oui. Ben voilà, ben c'est tout ce que j'avais à dire. Et attends, mais le doc, franchement, petit style, hein. Le doc, on dirait qu'il fait beaucoup plus jeune que son âge, hein, je vous le dis, moi. C'est quoi ce petit polo là? Pas trop, si. Non, pas trop. Mais non, mais franchement, beau gosse. Allez-y, funradio.fr, allez mater l'équipe de Love in Fun. Vous êtes là ce soir, on nous a dit que vous alliez parler Dirty Talk. Oui, ouais, exactement. Ah. Ah, mais genre, par exemple, vous allez nous apprendre à pratiquer le Dirty Talk. Si tu veux. Non, mais c'est surtout, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous faites l'amour avec un mec et là, le mec vous dit, t'aimes ça, salope? Non. Ça change de ton. Ça t'est déjà déjà arrivé, toi, Anso? Oui, ça a pu m'arriver. Peut-être pas avec le salope, mais. Non, mais voilà, le dirty talk, c'est vraiment ça. Quand tu parles vraiment salement à ton copain ou ta copine. Ah oui, quoi. C'est excitant. On va en parler parce qu'il y en a qui aiment ça. A priori, il y en a même dans ce studio qui aiment ça. Ah oui. Ah oui. Bien, d'accord. Ah ouais, je suis pas bien ça, toi. Ouais, c'est sûr. Ciao, connard. Et pratique le dirty talk quotidiennement, hein, c'est ça. Ouais. Eh ben, on va en apprendre plein de choses ce soir avec l'équipe de Love in Fun, avec vous en direct sur Fun jusqu'à minuit. Nous, on sera de retour demain en direct avec eh ben, les Marseillais, à savoir Kevin et Nicolas qui représentent le reste du monde. On adore, ils sont hyper drôles, hyper sympas. Donc si vous avez des questions pour eux, Marion et Anso@funradio.fr. On vous dit à demain. Bisous les beaux. Au revoir. Tous les soirs. 01-42-48-5000 Love. De 22h à minuit avec Karen, Alice et Doc Pavageau sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. On est très content de vous retrouver. On s'installe tranquillement. Ben oui, il y a comme un passage d'antenne, une passation de pouvoir. 20h-22h tous les soirs, du dimanche au jeudi, c'est Marion Anso. Et puis nous, de 22h à minuit, ben, on est là. Et d'ailleurs, il y a plein de nouveaux auditeurs hein, qui ne nous connaissaient pas, qui avaient des habitudes, voilà, d'écouter Fun Radio un petit peu plus tard. Et ben, on vous salue tous, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes peut-être sur les routes là en ce moment, en train de peut-être rentrer du boulot, justement sortir faire la teuf avec les potes parce que c'est encore les vacances. Eh oui. Hein, on profite, il y en a aussi qui sont à la maison tranquille, qui sont connectés sur les applications Fun Radio bien sûr. Vous pouvez nous écouter en streaming aussi, nous mater hein, sur le live vidéo de Fun Radio, funradio.fr pour voir les images. On est très content de vous retrouver. Ça y est, tout le monde est installé. Oui. Pas encore. Attention Doc, ça y est, c'est bon. Ça y est. Ah ouais. Et vous savez quoi, on va faire un petit concours. Tous les soirs, on regardera qui sera le dernier à s'installer. Hein, et il aura forcément un gage. Ce soir, c'est toi, Doc. Tu m'as piqué ma prise? Ah oui, non, on a eu un petit problème de casque. C'est-à-dire qu'on s'est échangé nos casques. Et on est très content d'être avec vous, en tout cas. Toute l'équipe est là au grand complet. À commencer donc par Doc. Ça va, Doc? Oui, très très bien. Et toi? Bah, super. Écoute, petit dîner entre amis pour toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec une fille? Non. C'est un de mes amis qui vit à Barcelone depuis quelques années. Ouais. Et je le connais depuis 30 ans. Et donc, on se voit un peu moins, évidemment. D'accord. D'ailleurs, je voulais faire une dédicace. Ah, vas-y. À un autre ami barcelonais, parce que je l'adore et ça fait aussi 25 ans qu'on se connaît. Et voilà, c'est Oscar Ortega. D'accord. Et eh ben, on va t'envoyer ton pack Love in Fun. Merci d'avoir appelé. Parce qu'on on nous écoute à Barcelone. Ah, bah ça oui, fait plaisir. Sur l'appli. Dans le monde entier, hein, c'est ça qui est fort. Hein. On a souvent des appels de la Belgique. On nous appelle également du Japon. Oui. Hein, c'est arrivé hier. Et alors, comment va Alice? Bah, écoute, ça va très bien. D'autant plus que j'apprends que Doc a des amis en Espagne. Donc pourquoi pas faire un petit voyage quelque part. Et notamment, tu dis qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. C'est l'occasion aussi de vous inscrire pour les 48 heures Love in Fun qu'on va recommencer cette saison. Et nous, on va venir jusque chez vous, dans votre ville. Alors s'il vous plaît, habitez aussi au bord de la plage. Ça pourrait être super sympa. Oui, alors on ne choisit pas, c'est un tirage au sort. Bah, bon, oui, mais plus il y a de personnes à l'étranger, plus on a de chances de partir à l'étranger. Oui, bien sûr. Alors moi, j'aimerais pousser un coup de gueule. Oh. C'est la soirée coup de gueule. Ouais, j'aimerais passer un coup de gueule contre Alice de Fun Radio. Oula. Qui, souvenez-vous, il y a le 15 avril, fêtait son anniversaire sur Fun Radio et avait gagné son cadeau qu'on lui avait offert. C'était le concert de Britney Spears. Oui, exactement, c'est demain. Et elle avait le fameux, vous savez, le fameux plus 1. Ouais, le fameux plus 1. Et moi, j'aime beaucoup Britney et je pensais être le plus 1. Et bien, j'ai appris aujourd'hui que je n'étais pas du tout le plus 1. Non, c'est vrai. Et tu sais quoi, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Non, mais c'est vrai, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit. C'est vrai. J'y vais avec Cécile, ma copine d'amour qui travaillait avec nous autrefois, fut un temps. Voilà. Et donc, moi, on va s'éclater, quoi. Je vais bien me faire foutre. Je ne verrai pas la Corée en playback de Britney. Mais t'as une émission animée, enfin. Ah, c'est vrai qu'Alice, du coup, ne sera pas là demain soir, mais elle sera comme notre envoyée spéciale. Oui, petit report. Ça fait vraiment plaisir. Vous vivrez ça, le concert de Britney Spears demain soir sur Fun Radio dans Love in Fun. Kassim est à l'area, bien installé. Ça va, mon Kassim? Ouais, tranquille, j'ai enlevé mes chaussures, je suis bien. Voilà, doucement, parce que ça daube un peu dans ce studio. Hein, on va pas se le cacher. Coco du Standard, tout va bien? Oui, bah, à part que je suis juste à côté de Cassim. Ah, oui. Voilà. C'est le 01 42 48 5000, hein, le numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée sur Fun Radio. On en a parlé tout à l'heure, on parlera Dirty Talk. Hein, oui. Si vous voulez d'ores et déjà réagir et nous appeler au standard 01 42 48 5000. Ça vous est déjà arrivé de, voilà, d'avoir votre mec ou votre copine qui vous parle un peu salement. Il y en a que ça excite et il y en a qui détestent. Hein, ça peut bloquer, hein, ah, clairement. Oui, complètement. N'hésitez pas, on vous attend nombreux, nombreuses. Et puis Loïc aussi nous rejoint sur Fun Radio. Bonsoir Loïc. Salut Karen, salut Doc, salut Alice, comment ça va ce soir? Bah, plutôt bien, mon Loïc, t'as 18 ans, t'es étudiant à Bordeaux là, donc t'es en vacances toi? Ouais, c'est ça, en vacances jusqu'à la semaine prochaine quoi. On va arriver vite la reprise. Mais on n'en parle pas de la rentrée, parce qu'elle n'est pas encore. Ah non. C'est vrai qu'elle pointe un peu le bout de son nez, hein. On commence à la voir arriver. Loïc, t'es un fidèle de l'émission? Bah ouais, j'écoute assez souvent, enfin, je kiffe un petit peu quoi, on va dire. Alors, c'est un peu le kiff total. Tu connais l'un des premiers privilèges d'être l'auditeur du soir, c'est de choisir sa musique. Oui, bah oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Évidemment. Ce soir dans l'émission, toi? Qu'est-ce que t'aimes bien? Il y a un son que je surkiffe et que j'ai autant kiffé que la victoire de la France dans la Coupe du Monde. C'est le son de VG Dream et ramener la coupe à la maison. Ah, coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 2 étoiles. T'as acheté ton maillot à 150 boules? Non, et vous avez vu, fabriqué pour 3. Ouais, non, mais c'est ça quoi. Et le maillot de l'équipe de France, 140 euros, je crois. On a des bons plans réplique. 70 euros. À côté du marché, ça le fait aussi. On écoutera aussi ce soir dans l'émission David Guetta et Shotek, Jonas Blue, et puis bien sûr du son que vous pouvez choisir au standard tous les soirs sur Fun Radio en venant ici. Loïc, on la démarre cette émission? Ouais. Eh ben c'est parti, on va accueillir Lisa tout de suite, 24 ans de Lille. Bonsoir Lisa. Bonsoir l'équipe. Salut. Salut. Bonsoir Lisa, bienvenue dans Love in Fun. Tu nous appelles pourquoi? Moi c'est pour pousser un coup de gueule sur mon copain. Parce que ça fait 2 ans que j'habite avec lui. Et en fait au début on faisait l'amour et maintenant on fait que baiser. Donc du coup ça me gonfle. Et franchement, je me tourne vers vous en fait, tout simplement. Je me tourne vers vous, aidez-moi. C'est-à-dire? Oui, c'est quoi la différence entre faire l'amour et baiser? Non, mais en fait, au début, quand on était installés ensemble, je rentrais du taf et puis il avait fait un bain avec des bougies, machin, enfin toujours des petits trucs romantiques, machin. Et en fait, un jour, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire ça un peu de façon un peu plus violente, quoi. Et, un peu plus rapide, c'est ça, ou un peu plus violente? Plus violente, plus baisée, quoi. D'accord, ok. Baisée. Et en fait, sauf que maintenant, c'est que ça. Et même quand, genre, j'ai pas envie de baiser et que j'ai plus envie de, genre, faire l'amour, et ben en fait, il va me baiser. Mais tout le temps. Et il baise tout le temps. Tout le temps. Mais alors, ça, non, mais il a raison, Doc. Il n'y a plus les petits trucs autour, c'est ça? Il n'y a plus les petits trucs autour, il n'y a plus le bain, il n'y a plus les bougies, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de préliminaires. Devant un film, ouais, en fait, on est devant un film, et genre, c'est la semaine dernière. Il m'a retourné, il m'a mis en cuillère, et genre même pas, il m'a mis des doigts et tout, il m'a baisé quoi. Genre j'ai fait, mais putain, j'avais mal. Et est-ce que t'as la sensation, je suis désolé, hein, mais d'être un trou, devenu un trou, non, mais c'est ça quoi. Bah, franchement, ouais, là je suis devenue un trou. Et pourtant, la journée, il est gentil, en mode, ouais, je t'aime, machin. Ouais, c'est ça, il y a quand même les à côté toute la journée. Ouais. Il y a quand même de l'affection, de la tendresse, des petits mots, etc. Ouais, mais c'est le soir, il se transforme en bête sauvage. Mmh. Et ça, c'est juste plus possible. Attends, l'autre fois, après qu'il m'a retourné en cuillère, j'avais la chatte toute sèche toute la journée le lendemain. Moi, j'étais en mode, je marchais le cul en l'air. Je pissais, ça me brûlait parce que forcément, il m'a pas calé 2-3 petits doigts. Et moi, je suis là, je boite à moitié, là. Il m'a cassé, il m'a baisé. Ouais, et puis les lubrifiants, ça existe aussi, hein, faut pas les oublier quand même. Ah ouais, bah il pouvait même au pire, je sais pas, cracher sur ses doigts, tu vois, oui, j'en sais rien. Ah, mais putain, mais toi t'es cache, hein. Ouais, tu dis les choses, mais t'es encore amoureuse de lui Ah bah oui. Mais t'as l'impression qu'il l'est, lui? Moi, j'entends que. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Ouais. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'effectivement, petit à petit, avec le temps, dans tous les couples, c'est pareil, on arrive petit à petit, tout doucement, à faire le truc qui marche. C'est-à-dire on appuie juste sur le bouton efficace et petit à petit, tout doucement, effectivement, les préliminaires disparaissent, diminuent, le petit truc romantique, on prend son temps, patatatatata. Tous les couples, c'est la même chose. Donc, c'est une évolution malheureusement habituelle de beaucoup de couples. Ouais, moi, il faut revenir en arrière, c'est ça. On est vraiment ensemble là, quand on fait l'amour, je veux dire. qu'il pense à personne d'autre, je pense à personne d'autre. C'est vraiment. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mais je dis pas du tout qu'il y a qui que ce soit d'autre dans la tête. Hein. C'est juste une évolution, petit à petit, tout doucement, on devient feignant. En gros, c'est ça. On devient paresseux. Ouais. On sait ce qui marche. Clac, tac, je fais ça. Poum, ça y est, c'est bon. Et je m'arrête à juste absolument l'essentiel. Donc ça, il faut discuter avec lui. Oui. Ouais, moi je pense qu'il pense qu'à lui en fait. Tu vois, c'est plus devenu un oui, partage. Enfin, on est ensemble dans le sens il m'aime machin et tout, mais je pense que c'est quand lui il a envie, on va le faire et on s'en fout de si moi j'ai envie ou pas sur le coup, tu vois. Oui, mais ça faut pas, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes toi. C'est pas lui qui va arrêter hein, de sa propre initiative, puisque lui ça fonctionne. Bah, attends, et qu'en plus tu dis oui. Un mec, tu peux pas dire à ton. Non, mais en dehors. Toi, ta meuf, elle te dit ça. Non. En dehors, il faut que tu lui dises. Écoute, là, on va discuter parce qu'il y a quelque chose qui moi ne me convient pas. Je comprends que toi ça taille, mais en tout cas moi ça ne me va pas cette façon de faire là. Je dis pas 100% du temps qu'on soit tout le temps à passer 4 heures pour faire des préliminaires, machin, le truc romantique, tout ça. Mais qu'au moins une partie du temps, eh bien des fois. Le terrain. Voilà. Vous, c'est comme bon, c'est un peu Mars et Vénus, hein, je suis désolé, mais pour la gente féminine, il y a besoin d'une ambiance, de prendre son temps, un peu plus, pas tout le temps, c'est pas tout le temps vrai pour 100% des femmes, mais voilà, assez souvent c'est comme ça. Un mec, non. C'est vrai qu'un mec, ça peut, clac, ok, ouais, j'ai envie, j'y vais, envie, paf, c'est ça bon, marche. Il peut la mettre, il y a pas tout ça. Oui, voilà. Mais bon, vous aussi, vous y arrivez, c'est pas le souci, tu y arrives aussi. Hein, mais un peu de lubrification, c'est pas mal. Or, pour lubrifier et faire qu'on est pas mal après. Faut mouiller. Il faut mouiller. Et pour mouiller, eh ben, il faut du temps et se faire chauffer. Là, t'as pas le temps de chauffer. Donc, Bah non, bah, alors que d'habitude, quand je mouille, il peut boire un coup, tu vois. Eh ben, Eh bien, faut lui dire qu'il faut reboire des coups avant. J'ai une grande soif. Mais Lisa, est-ce que quand vous le faites, t'as des orgasmes, t'arrives à aller jusqu'au bout, ou c'est du coup ça te bloque totalement et il pense vraiment qu'à lui et qu'à son plaisir à lui? Moi personnellement, j'ai jamais eu d'orgasme avec qui que ce soit. J'ai l'impression que je suis une meuf impossible, tu vois. Ça vient pas de toi. Lui, même ouais. Toi toute seule? Ah si, moi toute seule, moi, voilà. T'inquiète. Donc tu sais faire. Bah tu peux au moins reproduire la même chose à deux. Hein. Tu peux au moins avoir, parce que l'orgasme toute seule en général, c'est l'orgasme clitoridien. Non mais je peux pas me lever, aller m'asseoir sur le coin de ma baignoire et me toucher la nouille alors qu'il. Non mais c'est à lui de le faire. Pendant. C'est à lui d'être à l'écoute de ton plaisir aussi, quoi. Lisa, on va voir si tu es la seule justement à vivre ce problème. Je pense pas, hein, vraiment. Hein. Ça, malheureusement, non. Bah ouais. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je me suis dit, comme ça, il y aura des petits trucs. Eh bah ben justement, on va en parler. Lisa, tu restes bien avec nous et je vous invite, les filles, surtout les filles, hein, puisqu'on parle des filles là. Dites-nous, ça vous est déjà arrivé, voilà, d'être en relation avec un mec et puis bah vous avez la sensation d'être un trou, quoi. C'est-à-dire. Oui, il sait pas s'y prendre. Souvent, les mecs, on n'ose pas vous le dire, mais vous cherchez pas à aller plus loin, quoi, aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a plein marche. De femmes qui simulent ça aussi. Marche. Donc si tu veux, quand ça marche et que tu vas, tu rentres, paf, ça. Bon, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on a un orgasme. Ah exactement. Non, ça, voilà. Alors n'hésitez pas à nous dire hein, 01 42 48 5000. Venez partager vos expériences ici sur Fun Radio. On en parle hein, tous ensemble tous les soirs ici sur Fun. Si un mec voulait nous expliquer sa façon de penser, ce serait pas mal aussi. Ah bah carrément. Venez ici sur Fun Radio 01 42 48 5000. On en parle dans quelques minutes. On jouera aussi tout à l'heure avec l'exam. Le nouveau jeu de Love in Fun. Et on écoutera Martin Solveig avec My Love. À tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag Love in Fun. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno sur Fun Radio. Tu m'as envoyé une facture correspondant à des vacances, visiblement. Qu'est-ce que c'est-il? Oui, on est parti en week-end début août avec mon copain. Vous étiez dans une canadienne ou vous aviez loin mobilhome? Dans une toile de tente. La canadienne, c'est une tente de place. C'est pas une femme qui vient du Canada. Calis de Chris. Sortez de ma culotte. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été? Mais carrément Miko, j'ai les platines, la playlist, y a plus qu'à choisir ton Sam. Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi quoi. Cool! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Soch présente. T'as vu la nouvelle offre Soch Internet à la maison? Ah ouais? Une box Soch? Une box Soch? Une box Soch? Oh là là! Te fatigue pas, ça s'appelle la boîte Soch. Ah, oh bah oui, c'est simple. Et sans engagement. La boîte Soch, c'est Internet à la maison sans engagement et sur le réseau Internet Orange. Jusqu'au 7 septembre, à partir de 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ par mois. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait ADSL 19,99€ par mois sous réserve d'éligibilité. Frais de résiliation de 50€. Conditions sur soch.fr. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Appelez-nous au standard 01 42 48 5000 et une raison de plus pour nous appeler si vous avez déjà connu un mec qui ne pensait qu'à son plaisir plutôt qu'au vôtre. Les filles, appelez-nous. 01 42 48 5000. En attendant, c'est Martin Solveig et My Love. Martin Solveig, My Love sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Le trio de choc est avec vous tous les soirs sur Fun Radio. Non, je dis ça parce que j'ai vu des commentaires sur Instagram, sur la petite photo qu'on vous a postée et tout. Vous êtes le trio de choc, on vous adore. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos messages. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Love in Fun, la page Facebook aussi de Love in Fun. Le numéro pour nous appeler toute la soirée, c'est pas plus cher qu'une communication locale, donc gratuit hein, pour tous ceux qui nous appellent. En plus, on vous rappelle hein, quand vous passez à l'antenne avec nous, c'est le 01 42 48 5000. C'est Coco du standard qui décroche. Allez-y, n'hésitez pas. En attendant, on va récupérer Lisa. Lisa qui pointe tout court peut-être d'ailleurs. Bon. Ça va Lisa? Bon, ça va, mais je n'ai marre. Ah bah, on a bien compris, elle a poussé son coup de gueule. Elle a raison. Mon mec ne me fait plus l'amour. Que ta gueule. mon mec me baise, il pense plus à son plaisir qu'au mien. Et on a lancé le standard là-dessus pour savoir justement si tu es un cas isolé. Et je ne pense pas. Non, elle a jamais eu d'orgasme avec aucun autre mec, alors qu'elle en a toute seule. Donc c'est qu'elle a pas de souci pour avoir des orgasmes. Et hier, Lisa nous a envoyé un message sur le Facebook de l'émission et on s'est permis de contacter une journaliste qui est également la créatrice d'un compte Instagram qui buzz pas mal en ce moment. Carrément. Qui s'appelle Tajoui. C'est oui. Dora qui est avec nous. On va l'accueillir là en direct. Bonsoir Dora. Salut à toute l'équipe. Salut Dora. Alors, je me suis régalé sur le compte Instagram, voyant tous ces mufles qui ne pensent pas au plaisir des femmes. Parce que exactement. Je ne me sentais absolument pas concernée. Pas du tout, j'en suis sûre. Non, mais alors, c'est intéressant. Et Doc nous en parlait justement. Il y a beaucoup de mecs, et notamment au bout d'un certain temps, même si tu es en couple avec quelqu'un, où à un moment donné, bah, tu penses plus à ton plaisir qu'à celui de ta chérie. Et c'est justement des témoignages que tu mets en avant par des photos sur ce compte Instagram. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à créer ce compte Instagram, Dora? Alors j'ai créé ce compte Instagram il y a une semaine et c'est un truc de ouf, c'est-à-dire qu'il y a une semaine j'avais zéro personne, aujourd'hui il y a plus de 90 000 personnes qui suivent ce compte, donc je crois que j'ai vraiment mis le doigt sur un véritable souci. Et en fait c'est parti d'un truc très très simple, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui m'a dit quelque chose qui m'a pas plu, une discussion informelle comme ça avec un pote qui m'a dit les femmes ont moins d'orgasmes que les hommes parce que celles-ci sont plus cérébrales et qu'il leur faudrait soi-disant des sentiments, il faudrait qu'on soit amoureuse pour pouvoir jouir. Ouais. Moi je lui ai dit bah, mec tu dis absolument n'importe quoi, bien qu'on ait évidemment besoin de se sentir bien, pas stressé, en sécurité, c'est surtout quelque chose d'anatomique et ça peut être tout simplement une question de technicité. Bien sûr. Alors, évidemment ça lui a pas plu du tout et je lui ai dit bah, en fait faut peut-être te remettre en question, si tes meufs elles jouissent pas, c'est peut-être pas elles qui ont un problème ou qui sont pas amoureuses de toi. Et du coup, j'ai parlé de ça sur une de mes stories de mon compte Instagram privé. Et là, j'ai reçu une rafale de messages de femmes qui m'ont dit bah, « Moi, j'ai jamais joué avec mon mec. J'ai couché avec 20 mecs. J'ai joué avec 2 mecs sur 20. » Et puis, de fil en aiguille, j'ai reçu tellement de messages que je me suis dit « En fait, là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai malaise. Allez hop, je lance un compte. » Donc, j'ai lancé Tajoui. D'accord. Voilà. Bravo. Et bravo. Je suis bien contente. Alice est très heureuse. Mais oui, carrément. Ça libère la parole. Ouais, non, c'est ça. Au final, Dora, c'est le mec qui, à la fin de sa prestation sexuelle, parce que pour lui, c'est une prestation, il c'est te ça. Dit alors, c'est bon, t'as joui. C'est un peu ça. Exactement. C'est ça. Bah, en fait, c'est quand même une phrase qu'on entend relativement souvent en tant que femme. Et souvent, le mec qui pose la question, c'est généralement pas celui qui te fait jouir. Manque de peau. Alors, sinon, il le sait. Hein. Voilà, c'est ça. Ça veut dire déjà qu'il s'en est pas rendu compte. Il a pas l'impression que c'est arrivé. Mais quand même, qu'il s'inquiète que ça arrive. Ouais, au moins. Parce que c'est une fausse question bienveillante. Oui, le mufle du mufle, c'est carrément celui qui sans. Il dit rien, voilà. Quoi. Mais après, ce que tu veux dire, peut-être, Dora, c'est une question comme on dit bonjour. Au final, ouais. C'est, bah, aujourd'hui, c'est un peu ça, malheureusement. Le mec qui dit t'as joui, c'est juste pour savoir s'il arrive à te faire jouir, en fait, plus que pour savoir si t'as eu du plaisir. Exactement. En fait, si le mec il veut te donner du plaisir, il a une discussion avant, pendant, et il te pose les vraies questions de qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu jouisses. C'est ça. Il te demande pas ça à la fin comme un connard, alors que c'est évident que t'as pas joui, en fait. Donc ça c'est un peu. Voilà, non, mais sinon ça c'est un peu genre dis-moi que t'as joui, dis-moi que je suis un bon coup en fait. Oui, c'est mais, ça. Mais bon, c'est voilà. Dis-moi que t'as eu ta récompense, dis-moi que je t'ai donné ta récompense. C'est un mode de fonctionnement qui est quand même un petit peu masculin hein, aussi. C'est vrai. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Dora pour s'améliorer, parce que moi j'ai envie d'apprendre. on peut déjà poser l'amour des questions. D'accord. Voilà, non mais tout simplement en fait avoir une vision du sexe plus bienveillante, plus consciente et discuter, en fait, juste communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est commu, petit trait, niquer. Bien donc, sûr. voilà. Sauf que ça, j'ai pas l'impression que ça se passe tant que ça, parce que là, j'ai reçu 10 000 messages. C'est une folie, j'ai reçu 10 000 messages de gens, mais les gens sont perdus, hein, sexuellement, vraiment. Quelques commentaires d'ailleurs que tu as noté, Alice, sur le compte Instagram Tajoui. Bah alors, il y a quand même des filles qui disent c'est quand même dingue d'arriver à culpabiliser de ne pas prendre son pied avec des gros manches. Ouais. C'est vrai parce que finalement, il y a pas mal de filles qui n'osent pas dire non, tu, enfin, j'ai pas pris de plaisir avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein qui simulent, hein, pour se dire bon, bah voilà, il va être content, il va penser que j'ai pris du plaisir. Et c'est vrai qu'on en arrive à presque culpabiliser, nous, les femmes, en mode bah oui, bah c'est ta faute si t'as pas pris du plaisir. Alors que bah non, c'est de la part des filles, quoi. C'est même dans les couples et même après longtemps. Oui. Hein, donc, Et un autre commentaire que j'ai bien aimé, pourquoi ça serait au mec de terminer le rapport? Tu vois, genre, pourquoi c'est le mec qui doit décider quand c'est terminé? Souvent, c'est ça. Quand il a éjaculé, c'est sûr que lui. Ah bah, il se démerde. Il a des doigts, il a une langue, il se débrouille, quoi. Il se dit, c'est fini. Non, non, mais alors, c'est intéressant. Que, excusez-moi, quand on vous laisse en galère en plein milieu, alors là, t'as tous les mecs qui font, ah, mais tu peux pas me laisser comme ça, t'abuses. J'ai le syndrome de la couille bleue. Donc, Laura, est-ce que tu connais le syndrome de la couille bleue? Eh ben, et alors, nous, on a pareil. Ouais. Alors, ouais. Alors justement, ça c'est la grande histoire qu'on raconte. Je veux bien que physiologiquement ce soit vrai, mais il y a une autre histoire qu'on raconte moins. Ouais. C'est-à-dire que les femmes, certaines femmes, une fois qu'elles ont joui, ben même si c'est un orgasme clitoridien, on a le vagin qui se resserre. Et pour certaines femmes, alors c'est juste pas agréable de continuer à se faire pénétrer après avoir joui. Et ça, personne n'en parle. Et bim, dans ta gueule. Non mais c'est intéressant. Mais comme tu le dis. Personne n'en parle et vous devez aussi en parler davantage. C'est-à-dire qu'il y a des femmes effectivement à qui ça pose aucun problème de continuer à être pénétrées et puis il y en a d'autres où non, écoute, là t'attends 2 minutes mais non quoi, ou 2 ou 5 ou 10, peu importe. Hein, mais à ouais. vous de le dire parce qu'on peut pas. Après ça dépend du partenaire, comment vous le connaissez, etc. Bien évidemment, mais on peut pas tout deviner non plus. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un, non, mais... il peut pas savoir si quand t'as joui, c'est fini, évidemment. Il faut attendre un quart d'heure ou pas. Donc surtout exprimer. Mais vous, il y a aussi ça, et je trouve ça très bien évidemment que tu libères la parole, mais il faut aussi les filles que vous arrêtiez, et c'est pas une généralité, hein, que vous arrêtiez de ne rien dire. Il faut le dire aux mecs oui, mais qui sont nuls, qui ont mal. Faut comprendre aussi pourquoi les femmes ne disent rien. Je veux dire, on est éduqué dans un truc où la masturbation... Il faut sortir de là. D'où le compte Instagram. Mais bien sûr. Alors, je vous invite à aller vous abonner parce que franchement, il y a des témoignages qui sont assez drôles aussi, hein, pour le coup. Surtout les hommes, hein, allez-y. Hein. Ouais. Ça fera pas de mal. Vous n'êtes pas là pour subir. Ah, exactement. Il faut parler. Vous avez raison. Nous, on vous soutient à 100%, les filles. Vraiment. Merci. Vraiment. Mais y a pas de problème, Dora. Aucun souci. Ça va, toi? T'as un mec. T'as joui? T'as joui dernièrement? C'est le mec. Non, Dora. Je plaisante. On va accueillir Morgane. Alors, elle a 18 ans. Elle est d'Amiens. Tu restes avec nous, Dora. Et Lisa, bien sûr, hein, qui doit se sentir parfaitement concernée par ce qui se passe là. T'es là, Morgane? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Morgane, t'as 18 ans, t'es d'Amiens. Oui. Alors justement, tu voulais réagir, est-ce que ça te parle toi justement, le mec qui pense qu'à son plaisir perso et qui va te débriefer à la fin, qui va dire « Oh, t'as joui, il faut avoir comme un orgasme. » C'est exactement ça, parce qu'en fait dans l'histoire de Lisa, je me retrouve complètement en fait, parce que... j'ai vécu exactement la même chose, c'est-à-dire que au début, donc voilà, il y avait les préliminaires, il y avait vraiment l'attente du plaisir de l'autre, vraiment c'était fusionnel quoi. Et puis au fil des années, en fait, au fil des mois, au fil des jours, c'est devenu carrément, c'était plus un besoin en fait, enfin, c'était plus une envie, c'était un besoin, il fallait qu'il le fasse, que je prenne du plaisir ou pas, il fallait qu'il se vide les couilles clairement quoi. Mmh. C'est comme manger un McDo quand on a faim, quoi. Exactement. C'est une belle image. C'est une belle image. Plutôt que d'aller au restaurant gastronomique. Mais oui, il faut revenir au restaurant gastronomique. Absolument, ouais. Si on mange McDo tous les jours. C'est de la malbouffe. Ah, ouais, ça va trop vite. C'est de la mal. Ouais. C'est dans la matoche, c'est pas un tacos. Hein. Et alors, toi, Morgane, comment tu réagissais par rapport à ça? C'est-à-dire, est-ce que tu as fini par lui parler comme le conseil doc? Donc je lui en ai parlé, mais c'est sorti par une oreille et c'est sorti je sais pas par où. Mais en tout cas, c'est comme elle en fait. Ben pareil, il me prenait en cul. En fait, j'étais comme ça. À la limite, j'étais sur mon téléphone et j'attendais carrément que ça se passe quoi. Ah, c'est horrible ça. Putain. C'est ça. Et quand t'en parles, souvent le mec, donc c'est de ta faute parce que toutes les autres filles qu'il a connues avant, évidemment, elles ont eu un orgasme à chaque rapport sexuel. Bien sûr, tu vois, oui. C'est ça le truc. Moi, j'ai toujours fait jouir toutes les filles que j'ai rencontrées. Donc c'est toi qui as un problème avec mon ex. Il y avait pas de souci quoi. Ça t'est arrivé toi, Alice, de tomber sur un mec qui débriefait et tout, Non, pas qui débriefait, mais ça m'est arrivé d'avoir des relations sexuelles avec un mec avec qui, je prenais du plaisir parce que l'acte était sympa et qu'on était proches, on avait des sentiments l'un pour l'autre, mais de ne jamais atteindre l'orgasme, carrément. Ah ouais. Et de ne pas forcément oser lui dire, bah écoute, t'es mignon, mais bah non, tu m'as jamais fait jouir, quoi. Ouais, parce que tu balances ça à un mec, forcément le gars, son ego, laisse tomber. Bah oui, mais forcément le gars, son ego, et nous, on doit le prendre comment, le fait que vous en ayez rien à foutre, qu'on ait pas de plaisir. Bien sûr. Ceci étant dit, j'ai déjà eu une patiente qui, elle posait la question au mec. C'était alors sur une grille, sur une évaluation, mais c'est non, comment, mais non. Machin. Oui, oui, alors que elle n'a jamais pris de plaisir non plus, elle n'a jamais eu d'orgasme. Donc, mais elle avait inversé le truc. Les filles se concentrent trop sur le plaisir des hommes et se disent j'ai envie de lui faire plaisir, de lui faire passer un bon moment, de machin, surtout encore plus quand t'es en couple avec la personne et que tu te dis j'ai envie de vraiment de lui faire ressentir un truc différent qu'il a ressenti avant, et au final bah tu t'oublies un peu dans l'histoire. C'est et ça. On en arrive mais à personne ne doit s'oublier, bon le mec non plus, et j'en vois beaucoup aussi qui s'oublient, mais personne doit s'oublier, et puis il faut pas oublier non plus que l'orgasme c'est pas tout. Et qu'il y a tout ce qu'il y a avant, et que le chemin pour y arriver, c'est quand même le plus important. Après, des fois, il y est pas, on a pu s'arrêter, on n'a pas eu envie, c'est pas très grave non plus, c'est pas obligatoirement la chose à atteindre, mais c'est surtout le chemin qu'on prend quand même pour y arriver. Mais pour ça, il faut qu'il y ait eu un chemin et une route. Et effectivement, si ça dure 1 minute 30, claque, quitte à retourner, et puis voilà, bah, c'est sûr que là. Ouais, je rappelle que Doc est sexologue, hein. C'est son métier. C'est mon sujet, hein. Dora, est-ce que tu veux dire quelque chose justement à tous ces mecs qui nous écoutent? On est un petit peu abattus ce soir, je ne te le cache pas. on se remet en question. Bien contente. Ah oui. Tout ce que je peux leur dire, c'est déjà d'aller sur le compte, de lire le témoignage, d'avoir une petite prise de conscience, ce serait bien pour commencer. Et puis ensuite, de justement tout simplement taper clitoris dans Google. Hein. Bien sûr. C'est fantastique. Moi, je suis jaloux. J'aurais voulu en avoir un. Non, mais c'est vrai. Parce que pour chercher des hashtags de cul sur des sites de boules, il y a du monde, mais pour le reste, il y a moins. Donc, voilà. Il faut savoir quand même que ça ne fait qu'un an que le clitoris est en dessin dans les livres à l'éducation nationale. Donc, on a quand même du boulot encore. Appelle ça le clitoris, toi. Oui, clitoris, le clitoris, tu peux dire ce que tu veux. Ah ouais, moi j'appelle le clitoyo. Et tu dis un pénis, un pénis et un anu? Non mais c'est pour la question. Ah oui, du coup. Pourquoi pas, tiens, c'est ça. Un pénis, un clitoris, un anu, Kassim. Après, je veux défendre aussi les mecs, on peut regarder du porno et donner du plaisir à sa meuf. Ouais, c'est vrai. Ça heureusement. Mais on s'en fout. C'est peut-être le seul, mais. Mais c'est pas le fait de regarder du porno ou pas de regarder du porno. Tu peux t'exciter sur du porno, mais tant qu'après. Et savoir faire. Il y a une importance pour le plaisir de ta meuf et que tu passes pas à côté, c'est tout. Ma meuf a un orgasme à chaque rapport. Oui, mais c'est parce qu'elle se touche. C'est parce qu'elle se touche elle-même, mon gars. C'est même pas toi qui la touche. Je suis au courant de tout, donc. Tu la touches un peu. Bah, j'ai parlé à ta meuf, hein. C'est pas toi qui fais le boulot. Elle a un orgasme grâce à elle. Mais non, mais grâce à moi aussi. Mais non, grâce à toi. Justement, est-ce qu'on peut pas donner une petite piste d'amélioration pour les mecs? Moi, j'ai la sensation. Se passe au niveau du clito. Hein, c'est souvent, ça. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui pensent que tout se passe dans le vagin, alors qu'effectivement, on peut aussi utiliser ses mains pour toucher le clitoris de sa partenaire. Ouais. C'est pour ça. Malheureusement, il y a eu cette histoire de point G pendant des années qui a hanté la presse. Oh là là. Et du coup, évidemment, on s'est concentré sur le point G au lieu de se concentrer sur le clito. Il le trouve pas toujours en plus, hein, même rarement. C'est pour ça qu'un truc que vous pouvez faire, les filles, c'est pendant, vous touchez pour avoir un orgasme, parce que comme ça, ça peut lui montrer, et vous pouvez en parler aussi, en dehors, encore une fois, peut-être pas pendant, c'est peut-être pas super. Pour qu'il ait envie de le faire. Quoi. Ouais, de dire. Mais faut oser aussi. C'est faut vrai. Oser bien le faire. Sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui disent ah bah non, c'est humiliant, tu te touches pendant. Mais c'est comme ça que je peux avoir du plaisir, sinon j'en aurais pas. Est-ce que nous, on vous demande de vous lécher pendant la fellation? Débrouillez-vous, soyez autonome. Enfin. Non, mais c'est hyper intéressant. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est lui prendre sa main. Et l'amener à cet endroit-là. Mais faut oser aussi, il faut avoir une complicité, une relation qui permet d'en arriver là. Quoi. En tout cas, la base, c'est la communication. Bien sûr. Et Elisa, il va falloir que t'en parles à ton mec si tu veux arrêter de te faire baiser, comme tu dis. Fais-lui écouter le replay. Il faut parler. Bah, bien sûr. Non, je crois que je vais faire ça. Hein. Je vais lui montrer le petit Instagram. Je vais faire putain, regarde, j'ai trouvé un compte. Genre un peu la meuf. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé, ça peut être intéressant. Il y a énormément de meufs qui font ça. On va vous en mettre. En fait, il y a trop de meufs qui me disent qu'elles envoient le compte au lieu de, enfin, pour aborder la discussion. Ouais, ouais, voilà. Bah, bravo. Franchement, je trouve que, parce que bon, si je lui en parle comme ça, en mode ouais, je trouve que tu penses qu'à toi, je peux peut-être à la limite le vexer parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la fierté. Alors que là, si je fais des petites insinuations, il y a moyen que. Ouais, je te dis, sinon tu peux aussi prendre sa main et puis l'amener à ton clito et lui, voilà, faire. Ouais, c'est sûr. Hein. Bah, franchement, je vais essayer plein de trucs. De toute façon, voilà, ouais. Là, vous m'avez donné pas mal d'idées parce que j'ai un peu marqué. Je pense que ça gueule, quoi. C'est ça. Mais, ouais. Et puis, je te dis, c'est vrai aussi que tous les couples arrivent vers ça tout doucement. Donc, mais ça nécessite de se dire, ok, garçon, on va s'asseoir et on va en discuter. Voilà. Bah ouais. Eh ben merci beaucoup Lisa et on te souhaite de jouir hein, tout simplement. Ah, merci. Ça ben il y a pas de problème à toutes. On leur souhaite. Ouais exactement. Et on remercie également Dora et le compte Instagram t'as joui qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux aussi. Bravo pour ce que t'as fait Dora. Merci beaucoup. Bon, je merci, me sens pas concerné, mais ça va servir à pas mal de mecs, je pense. J'espère. Gros bisous, Dora. Salut. Ciao. Salut. Et un grand merci à Morgane aussi, Morgane à qui on fait des gros bisous. Salut Amiens, salut Morgane. Salut. Ciao, ciao. Et 01 42 48 5000, il y a Anna qui nous appelle, elle a 23 ans, elle est de Paris. Bonsoir Anna. Salut l'équipe. Bon, salut. Bonsoir Anna, t'as joui? Oui. Ah ben voilà, elle a joui et tu nous appelles pourquoi, Anna? Alors voilà, en fait, moi, mon histoire, elle est un petit peu particulière. Mon mec m'a demandé en mariage, mais justement, je vous appelle parce que j'arrive pas à aborder le sujet. En fait, je refuse, enfin, j'ai pas envie de dire oui. T'as pas envie de dire oui, très bien. Tu veux dire non, quoi? Ben on l'appellera, je lui dirai non à ta place, restez avec nous sur Fun Radio, bien sûr. Non, on va parler de demande en mariage, de demande en fiançailles. Genre, vous avez demandé quelqu'un en fiançailles et la personne vous a dit non. Hein, ça... Vous avez dit non, ça arrive. Vous ça avez aussi, dit non. Venez nous dire là sur Fun Radio, 01 42 48 5000. Ça, c'est bon, ça. BG Dream, amenez la coupe à la maison. Champion du monde, 2 étoiles. Mais ouais, ma gueule. PG Dream sur Fun Radio, ramener la coupe à la maison. Love in Fun. Love in Fun. 22h minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Ouais, nous on est là hein, tous les soirs du dimanche au jeudi 22h minuit, Love in Fun au 01 42 48 5000 et le nouveau jeu, venez passer votre examen. L'examen Love in Fun, on l'a lancé dimanche soir, c'est un carton. C'est un carton, tout le monde veut jouer, tout le monde veut son examen, son diplôme parce qu'on vous envoie votre diplôme hein, si et puis pas que le diplôme. Sinon, ah bah non, sinon c'est con. On vous envoie des cadeaux aussi, le pack de la rentrée Love in Fun préparé par notre préparatrice en chef Alice. Oui, exactement. Je donne tout pour vous faire des beaux colis. Elle est très soigneuse, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours une petite capote en plus. Elle est dans la générosité. Oui. Si vous voulez venir ici affronter quelqu'un, vous serez deux à l'antenne. Vous pourrez repartir avec tous ces cadeaux. Il suffit de nous appeler au standard 01 42 48 5000 pour passer l'examen Love in Fun. En attendant, on va récupérer Anna, 23 ans, de Paris. Anna, t'es là ? Ouais, je suis toujours là, ouais. Alors la question hein, qu'on vous pose à vous tous, à vous toutes, c'est est-ce que vous avez déjà refusé une demande en mariage, hein, une demande en fiançailles, puisque c'est un petit peu ce qui t'arrive, toi, Anna. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas du tout comment lui dire. Enfin, c'est hyper compliqué. Je pense que les demandes en mariage dans la vie, on n'en reçoit pas énormément, hein, j'imagine. Donc là, dire non. Ça dépend. Ça dépend, ouais, ça. Non, mais donc il t'a demandé en mariage et tu lui as pas encore dit oui ni non, tu lui as rien dit, mais t'as pas envie de lui dire oui. Bah c'est ça, en fait. En plus, il a fait les choses vraiment en grand. Vas-y, c'est-à-dire comment il a fait sa demande il m'a réservé un resto en haut de la Tour Eiffel. Oh donc, putain, faut réserver 3 mois. Je m'étais renseigné là-dessus. Faut réserver genre un an à l'avance. Mmh. Alors et ça coûte combien parce que du coup ah bah ça coûte super cher. Il faut mais réserver il a pas un été an. Du coup tu sais. Ah bah vous avez pas été du coup. Non mais toi t'as pas été. Ah bah parce qu'elle te demande c'est combien. Si mais évidemment en fait il m'a fait sa proposition mais je lui ai dit je vais te donner une réponse mais sans plus. En fait il attend toujours la réponse. Oui, tu réfléchis. Ouais. Bah, t'as le droit de réfléchir. Ah non c'est mort elle aime pas. Non, attends, mais c'est vrai. Mais c'était non, quand non c'est pas ça la question non. Ah, t'es amoureuse. Je suis ultra amoureuse. Mais le problème, c'est que je suis absolument pas prête. Enfin, oui. Lui, en fait, il est beaucoup plus vieux que moi. Il a quel âge ? Il a que 23 ans, quoi. Enfin, il a 27. Il te l'a demandé quand, ça ? C'était quand ? C'était il y a 2 semaines. Oh, il y a 2 semaines ? D'accord. Ah, le mec, ça fait un peu long, quand même, le pauvre, ça doit être dur. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 3 ans. Ah, 3 ans. Ok, bon, c'est pas au bout de 2 mois, tu vois, parce que là, t'aurais les bonnes raisons. Mais il serait capable de le comprendre. Ouais. T'as peur qu'il le prenne mal, en fait, et qu'il te dise, c'est fini, parce que t'as pas l'air de vouloir plus avec moi. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ose pas trop lui dire. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à lui dire non parce que j'ai peur qu'il me quitte. Et moi, je suis amoureuse, quoi. Donc, c'est hyper compliqué. À toi de lui donner les arguments, comme quoi, non, t'es amoureuse, tu veux rester avec. C'est juste que tu veux pas. Cet engagement-là, celui-là, ou ce bout de papier, ou ce truc symbolique qui représente tout un tas de choses auxquelles, bon, peut-être que tu ne crois pas particulièrement pour l'instant, ça peut peut-être évoluer, c'est pas fermé. Voilà, faut laisser un peu le truc ouvert, tout en lui disant qu'effectivement, tu as des sentiments, il est hors de question que tu le quittes, c'est pas du tout la question, mais juste, pas maintenant, pas là, pas tout de suite. Ouais, bah moi je vais te dire j'ai commencé Anna à le demander à la primaire. J'avais offert parce que j'étais amoureux d'une fille et tout. J'avais offert une petite bague, tu sais, une petite bague à 2 euros dans une tirette, hein, tu vois. Pas cher. Et pas cher, pas d'argent. Hein. Donc moi et elle a dit non. Je lui donne pire que ça. Je lui donne la bague, ça m'a choqué. Je lui donne la bague et tout. Et là j'étais elle était dans l'émotion forcément, j'imagine et tout. Enfin, elle a pris la bague et tout machin. Et alors le délire c'est que le lendemain je me pointe à l'école et tout c'était sa meilleure amie qui portait la bague. Oh elle lui avait donné et tout. Alors, du coup, tu voulais pas te marier avec ta meilleure amie. À 17 ans, je voulais me remarier avec Malvina Salvini. Et du coup, j'avais pareil, offert une petite bague de fiançailles et tout. Donc, un petit peu plus cher, 20 balles, hein, parce que j'avais un petit peu plus d'argent. Et là, pareil, gros râteau et tout, machin. Donc, c'est bon. Mais elle a gardé la bague. Ouais, bien sûr. Ah, ça m'étonne pas. La pauvre, si elle écoute, t'imagines. Putain, l'enculé. Il parle de moi presque tous les soirs. Non, mais je comprends, Anna, qui soit en tout cas un petit peu. peu en panique, le mec. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, Doc, c'est pas parce qu'on refuse que ça veut dire qu'on n'a pas de sentiment pour la personne. Non, voilà, bien sûr. Mais c'est à toi de lui montrer, bien évidemment. Mais par ton intonation, par les mots que tu vas lui dire, et par ce qu'il va sentir quand tu lui parles, il va comprendre que c'est pas du tout que tu ne l'aimes pas. C'est juste que tu n'as pas envie de ça, juste ça, pas tout le reste, et pas maintenant. Peut-être que plus tard, ça se trouve, dans un an, deux ans, peut-être que ça viendra de toi et que tu auras envie à ce moment-là. Ouais. Mais que là, tout de suite, présentement, bon, c'est pas ton truc, là. Alice, on t'a déjà proposé, toi, fait une demande en mariage ? Absolument pas. Ok, mets la musique, mets la musique. Mets la musique, assez vite, musique. Alice, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que je peux te couper avant la fin ? Laisse tomber. T'as la bague ? Non. Bon, bah alors. Non. Et puis, tes bagues, elles ont l'air de faire rêver. Hein. Entre la tirette et celle à 20 balles. Maintenant, c'est 200 balles. Ah, mais c'est ça. Alors, puis, c'est l'intention qui compte. Hein. C'est pas la valeur de la bague, bien évidemment. En chocolat. Même si ça vous fait plaisir quand même. C'est un petit plus. C'est un petit plus. Alors, il y a beaucoup de réactions. On les prend maintenant, on les prend tout à l'heure. On les prend dans un instant. On aura Marine, on va quand même les accueillir. Marine, 25 ans de Montélimar. Marine, t'es là ? Oui, salut tout le monde, ça va ? Ça va bien, Marine. Trois petites minutes de patience et tu seras avec nous sur Fun Radio. Il y aura aussi Alexis, 24 ans de Saint-Malo. Salut Alexis. Oui, bonsoir, ça va ? Bonsoir, répare ton téléphone. Salut. Et tu seras avec nous dans un instant, toi aussi. Vous restez bien ici sur Fun Radio, on continue d'en parler. On va jouer aussi, on vous l'a dit, avec l'exam, si vous voulez vous inscrire, plein de cadeaux à gagner. 01 42 48 5000. On vous posera des questions de sexe et des questions sur l'équipe. Et on va revenir avec Jonas Blue. Rise sur Fun Radio. Restez avec nous. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Alexa, comment je fais pour gagner 1000 euros ? C'est très simple, écoutez Fun Radio. Il y a 1000 euros à gagner. Dès que vous entendez le double fun avec Julian Peretta. Et Liam Payne, mixé à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Et vous gagnez 1000 euros. C'est le double fun sur Fun Radio. Alors, heureux ? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Salut, c'est Marion et Enzo. Ah, les vacances, les soirées sur la plage, le kiff de retrouver tous ses potes. Mais pour kiffer encore plus Enzo, on a un message super important pour vous. Pour vos soirées cet été, passez en mode Sam. Oui, Sam, le super pote qu'on désigne avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Et qui a le super pouvoir de vous ramener en sécurité. On compte sur vous. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Être ou ne pas être chez Orange et profiter de bons plans. Moi, avec Orange, j'ai offert à mon fils le Huawei Y6 2018 et il a un écran de dingue. Moi, en plus, il a un appareil photo de dingue. Moi, avec Orange, c'est son prix qui est dingue. 99,90€. Avec Orange, profitez du Huawei Y6 2018, débloqué sans forfait et sans engagement à seulement 99,90€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Soit une baisse de prix à 119,90€ au lieu de 149,90€, moins 20€ remboursé par Huawei sur demande. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 3 octobre. Détail en boutique et sur orange.fr. Restez connectés avec la famille Fun Radio. I'll be right here. fun. We're having fun. Tous les soirs. Loving fun. 22h à minuit sur Fun Radio. Bonsoir à tous, hein. Merci beaucoup d'être avec nous là sur Fun Radio. Bonsoir Kassim. Ah, bonsoir. Bonsoir Kassim qui réalise l'émission. Oui. Bonsoir Doc Pavageau. Bonsoir, vous allez bien? Bah, ça va super. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alice, resplendissante encore. Merci. Bonsoir. Non, c'est vrai. Elle est chiant, hein, je lui ai dit d'arrêter, c'est chiant. Ah, alors, je vais rien vous cacher. J'ai eu Alice au téléphone après l'émission qui m'a dit: arrête de me faire des compliments, ça me gêne. Mais oui, c'est vrai, ça me gêne. Mais je suis désolé, si c'est, je le pense, je le dis. Oh, ouais, ouais. Hein, on n'est pas dans l'hypocrisie ici. Non, c'est vrai. C'est parce que tu n'as pas assez confiance en toi, Alice. Oh, si, t'inquiète pas, j'ai confiance en moi. Ah, ouais, et une répartie de dingue. Hein. Ça, c'est Alice. Et on a Anna qui est avec nous, 23 ans de Paris. Là. Ah, Anna, je te présente Loïc, 18 ans, qui est étudiant à Bordeaux. C'est notre auditeur du soir. Salut. Salut. T'as vu comme elle est timide, Anna, et tout. Salut. Et alors, Anna nous a expliqué qu'on l'avait demandé en mariage. Elle est bien avec son mec, mais elle a pas envie de lui dire oui. Hein, et tu lui as pas dit non encore, Anna, hein? Non, j'ai pas encore donné de réponse. D'accord, mais je crois qu'il... Enfin, là, ça fait 2 semaines que le mec, ouais, il attend. Ouais. Il est peut-être temps de dire non. De toute façon, il veut... Il doit s'en douter un peu de toute manière, donc de toute manière, il faut que tu lui parles. C'est clair que tu peux pas le laisser comme ça. Alors, vous êtes nombreux à déjà avoir refusé une demande en mariage, puisque Marine nous appelle de Montélimar. Bonsoir Marine. Bonsoir, ça va? Salut. Ça va bien, salut. Marine. Salut. Sois la bienvenue. Alors, on t'a déjà demandé en mariage, toi, Marine? Oui, alors il y a quelques années, j'avais 16 ans. Ouais. Voilà, aujourd'hui j'en ai 25, donc ça remonte un petit peu, mais c'est une histoire qui m'a marqué quand même. À 16 ans, il t'a demandé en mariage, le mec? Oui, il avait 21 ou 22 ans. Oui. Voilà, il venait de se séparer, et il avait deux enfants. D'accord. Il avait deux enfants. Ah oui. Et ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Ah ouais, il s'est un peu emballé, quoi. Un peu beaucoup, oui. D'accord. Et alors, il t'a fait sa demande comment? Parce que c'est important, la demande, en plus. Hein. En fait, il me l'a pas demandé à moi. Il l'a demandé à mon père. D'accord, ah putain, ah, carrément, old school quoi. Il est couillu le mec. Hein. Il a demandé une dot aussi. Ancien, quoi. Et alors, et comment ça s'est passé? Donc il est allé voir ton père et qu'est-ce qu'il lui a dit? J'aime votre fille. En fait, moi je vivais forcément chez mes parents. Ouais. Et on se voyait toujours à l'extérieur, donc chez lui, toujours. Et ce soir-là, en fait, c'est avec insistance qu'il voulait venir me voir chez mes parents. D'accord. Directement. Et donc il a pris tout ce qu'il fallait, apéro, etc. Et moi, ça me semblait un peu bizarre, mais bon, après, je l'ai laissé faire. Et donc, on s'est installé dans le jardin, apéro, normal, on discutait de tout et de rien. Ouais. Et voilà, quoi, on n'a rien vu venir, mais absolument rien, surtout moi. Quand à un moment, sans que je sache pourquoi, il a regardé mon père droit dans les yeux. Ouais. Et là, il a dit, est-ce que je peux prendre, je te demande la main de ta fille, en fait. D'accord. Ah ouais. Là, wow. il s'est pris un coup de boule, non? Bah déjà, le mec le tutoie, tu vois, moi je l'aurais recalé. Non, il pouvait, il avait... Ça va, moi, mes parents, ils sont assez cool, donc sur ce point-là, ça allait. Mais il a senti que mon père était un peu trop cool et il a trop pris la confiance, en fait. Parce d'accord. Que, voilà, suite à ça... Il s'est passé donc, quoi, il alors a dit à mon père, est-ce que je peux prendre la main de ta fille? Et ce à quoi mon père a répondu, est-ce que tu veux la mienne dans la gueule? Voilà, je m'en doutais. Ah ouais, non, t'avais donc, 16 ans... J'avais seulement 16 ans et lui il était un peu plus vieux et bon moi j'étais pas au courant quoi. Et alors ça a duré combien de temps votre histoire après ça? Après ça ça a pas continué quoi. Mmh. Ah ouais, direct, ouais. Ça a calmé le jeu quoi. Non, parce que j'avais la pression de mon père sur le dos et j'avais pas apprécié la démarche de mon ex étant donné que j'avais pas été Et t'as envie de te marier, toi, Marine, ou pas? Absolument pas. Ouais, c'est vrai, il y a de moins en moins de mariages, j'ai l'impression. Alors, pas dans les statistiques, ça remonte. Ah ouais, oui, ça remonte. D'accord. Je n'ai pas les statistiques, Doc. Mais bon, après, la valeur symbolique du mariage, elle a beaucoup, ouais, beaucoup changé. Ouais. Aujourd'hui, on se marie un peu plus parce que il y a des biens, il y a la famille, il y a des enfants, etc. Pour protéger, il y a les impôts. Voilà. Mais la valeur symbolique de ce que ça représente, moins. Alexis, après, la symbolique, elle est morale, elle n'est pas sur papier pour ma part, c'est ce que je pense. Oui, d'accord. Voilà, chacun la met. Oui, carrément, il y en a qui sont très très amoureux et qui ne sont pas du tout mariés, quoi, et ça ne dérange pas. Et Alexis, t'es là, Alexis? Oui, je suis là, ouais. Alexis, t'as déjà fait une demande en mariage, toi? Ah, pas du tout, c'est ma copine qui m'a demandé en mariage. D'accord, t'avais quel âge? C'était cette année. Ok, alors vas-y, raconte comment ça s'est passé. Donc, il y a le suspense. En gros, elle m'a dit que je t'avais dit de réparer ton téléphone, Alexis. Tu m'as pas écouté, on t'entend pas bien. Est-ce que tu peux te mettre à côté d'une... Ça devrait être mieux. Hein? Lui, j'ai mis un coup de tournevis, ça devrait être mieux. D'accord. On est dans l'humour. C'est bon, ça. Il n'y a pas de problème. Alors, vas-y, Alexis. Donc, ta copine te demande en mariage. Voilà. Donc, on était au restaurant et tout. Et puis, elle me demande en mariage. Mais moi, étant trop, selon moi, trop jeune pour pouvoir me marier, je lui ai répondu négativement. Et puis, ça s'est passé une deuxième fois. Elle me l'a redemandé. On était tranquillement à la maison. Et puis, je lui ai expliqué une deuxième fois que ce n'était pas possible. On avait une grande discussion en disant que moi je voulais d'abord un foyer, une famille et tout le reste avant qu'on puisse prendre ce genre de décision. D'accord. Et comment elle l'a pris justement? Est-ce qu'elle s'est dit putain il a refusé, il est pas amoureux de moi? Exactement, sur le moment ça s'est passé comme ça. Sauf qu'après après une longue discussion, elle a compris mon point de vue et ça se passe beaucoup mieux maintenant. Okay. Vous êtes toujours ensemble du coup? Exactement. Mais elle a tenté quand même deux fois. Voilà. Mais il fallait l'explication, en fait. Ah ouais, il n'a pas donné l'explication la première fois. Il a fallu une longue discussion avant que ça passe très bien. Quoi. D'accord. Merci beaucoup, Alexis. Pour Anna, je pense que ça va être important de lui donner une réponse, au moins. Ah oui, ça, bien sûr. Là, oui. De toute façon, je voulais donner une réponse très rapidement. Mm-hmm. Mais ça me stresse énormément, en fait. Fais le plus simple. Fais le plus simple. Soit toi, fais le plus simple et tu lui dis juste je suis amoureuse de toi, je t'aime, etc. J'ai juste pas envie de ce truc-là, là, tout de suite, maintenant. Ou alors, on le fait à la sauce dancefloor. Nous, on l'appelle et on lui annonce ça comme si c'était une bonne nouvelle. Hein, c'est... Réfléchis, Anna. Je vais réfléchir et puis je vous tiens au courant. On peut... ça veut dire non. Hein. Mais on peut faire le boulot à ta place si jamais t'en as envie, d'accord? Ok, merci beaucoup en tout cas, et puis merci au conseil, merci des conseils d'Alexis et Marine. Il n'y a pas de problème, et gros bisous. Merci gros bisous, Anna, on embrasse Marine très fort. Et continuez comme ça surtout. Salut Anna, merci. Bisous. Ciao. Salut. Salut Marine, salut Alexis, merci beaucoup d'avoir appelé. Vous êtes tous les bienvenus ici sur Fun Radio, hein, tous les soirs, du dimanche au jeudi. On va jouer à notre nouveau jeu dans un instant sur Fun Radio. On sera avec Emma qui va jouer face à un auditeur. Et puis là, on va accueillir Arthur, 20 ans de Paris. Bonsoir Arthur. Salut Karel, salut Ali, salut Doc. Salut Arthur, tu viens nous poser une question, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans un instant. Ah, c'est une question à la con. Ça c'est nouveau aussi dans... C'est aussi nouveau dans l'émission. Vous venez poser vos questions à la con. On les adore, hein, oui. Franchement, depuis qu'on le fait. N'hésitez pas, le numéro du standard 01 42 48 5000 et Jonas Blue sur Fun Radio. No future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom. They don't know is we don't care. We're gonna keepin' on going till we can't go no more. We're gonna rise till we fall. Yeah. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change. Jonas Blue sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. À tout moment, pendant l'émission, vous venez poser vos questions à la con parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Parce que vous pouvez tout dire ici tous les soirs sur Fun Radio. Nous accueillons Arthur, 20 ans de Paris. Bonsoir Arthur. Rebonsoir. Bonsoir Arthur, ça va bien ? Ça va bien, tu passes une bonne soirée Arthur ? Très très bien et vous ? Bah, superbe, superbement bien. Arthur, quelle est ta question à la con toi ? Alors moi en fait j'aimerais savoir si par exemple on éjacule dans une piscine, municipale, oui, est-ce que s'il y a des filles dans la piscine et qu'elles sont en période, etc., genre elles peuvent tomber enceinte ? Ah oui, bonne question. C'est courant hein, quand même. Ah mais bien sûr. Pas une question à la con, vous voulez que je change de question ? Non mais si c'est pas ça, c'est que moi j'ai déjà éjaculé dans mon bain et après ça fait des grumeaux. Et c'est sa sœur qui a pris le bain après lui et... Non mais non. Il est papa. Et voilà, je suis tonton. Quand il était petit. Je suis tonton. Tu me dégoûtes. Et moi aussi, je me dégoûte ce soir. Non, mais alors, Doc, est-ce qu'on peut tomber enceinte ? Peut-être rassurons toutes les filles, dans la piscine, quelqu'un a éjaculé. On ne peut pas tomber enceinte. Non, comment tu veux que l'eau de la piscine rentre à l'intérieur du vagin avec les spermatozoïdes et que les spermatozoïdes dans du chlore arrivent à remonter jusque dans le col pour se nicher ? Bien sûr, c'est impossible. Eh ben, bravo pour cette belle question à la con, Arthur. Hein. Dis donc. Je te remercie. Et est-ce que tu es satisfait de la réponse ? Oui. Tu peux continuer à le faire allègrement dans la piscine, y a pas de souci. Mais quelle horreur. C'est ça la vraie question. Tu te branles dans la piscine, toi ? Tu parlais quand même de piscine municipale. C'est quand même un peu. C'est vrai. On dirait qu'il est déçu que ça ne marche pas. Eh ben tu non, voulais ça... faire quoi ? Ça ne fonctionnera pas, Arthur. C'est pas la bonne façon. C'est pas la meilleure façon, en tout cas, pour faire tomber une femme enceinte. Hein. Salut, mon Arthur. Salut mon poteau. Ciao à toi. Et on va jouer là maintenant. C'est parti pour l'examen Love in Fun. Nous allons accueillir nos deux candidats de la soirée. Bonsoir Morty, 25 ans de Grasse. Salut toute l'équipe, salut Doc, Karel, Alice. Bonsoir Morty. Morty sera face à Emna ce soir. Emna, 18 ans de Nantes. Bonsoir Emna. Salut l'équipe. Salut. Alors, je rappelle que ce sont des questions que je vais vous poser et vous allez devoir faire votre buzzer personnalisé. Chacun son petit buzzer. Morty, ce sera quoi ton petit buzzer à toi ? Ah ben, moi je vais lâcher une caisse, ça tombe bien, j'ai la chiasse. D'accord. Oh. Donc tu pèteras, c'est ça Morty ? Voilà. Bien sûr. C'est ça. Tout à fait. Et Emna, toi, c'est quoi ton buzzer ? C'est un pétouf. Allez. Je ne peux pas reconnaître deux pets. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration Morty s'il te plaît ? D'accord. Et Emna, ce sera quoi toi ? D'accord. Ah, ça se ressemble, hein. Ça se ressemble trop. Trop, hein. Donc, Emna, tu vas trouver un autre. Non, c'est Morty qui va trouver un autre buzzer. Tu peux roter ? Morty, ouais. Tu peux roter ? Par contre, je chante du métal, donc je peux faire un growl. Vas-y. Oh, d'accord. C'est bien ça. Donc, ça, ce sera ton buzzer, Morty. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus original. Vous êtes prêts tous les deux ? Ouais. Le principe du jeu est très très simple. Je vous pose des questions. Vous faites votre buzzer pour donner votre réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, il y aura un droit de réponse de l'autre personne, bien sûr. Et le premier qui arrive à combien de réponses ? C'est 5 à peu près. 5 bonnes réponses gagne son cadeau. Love in Fun. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ouais. On y va pour la première question. Citez une position du Kama Sutra. Oh. Morty. Le 69. Le 69, c'est une bonne réponse. On l'accepte, bien sûr. Deuxième question. Au Japon, 250 couples ont fait l'amour côte à côte en même temps. Vrai ou faux ? Emna ? Vrai. Bravo, Emna. Bonne réponse. Troisième question. À 2 cm près, quelle taille mesure le plus gros sexe du monde au repos ? Oui, Morty. Sexe humain ou pas ? Ah bah, oui, sexe humain, bien sûr, oui. Humain, 27. 27 à 2 cm près, c'est une mauvaise réponse. Emna ? 29, mauvaise réponse également, pas de point, c'était 24,13 cm. Putain, au repos. Pas loin, Morty. Ah merde, c'était moi. T'en non, déconner. T'étais pas loin, ça faisait 3 cm. J'ai dit à 2 cm près. Et en érection, il était énorme ce pénis, hein, quand même. Hein. Attention, quatrième question. Qu'est-ce que la gérontophilie ? Oui, Marty. J'ai aimé se taper des vieux. Oui, oh, bonne réponse. Comment alors. Tu sais ça? Et j'adore parce que ça fait des croûtes. Ah, ah, ah, en fait, oui, au début, il faut bander dur pour casser la croûte, mais après, quand tu fais avec le pute, ça vient tout seul. Oh non, mais Marty. Allez, cinquième question. Dans l'amour et dans le pré, un agriculteur a finalement préféré se marier avec une jument. Vrai ou faux? Morty. Faux. Bravo, bonne réponse. Attention, question 6, question piège. Comment s'appelle le mec du pape? Emna. Il en a pas. Bravo, bonne réponse. Septième question. Attends, on fait un petit récapitulatif des points. Alors, Morty 3, Emna 2. Attention, okay. c'est pas joué encore. C'est parti pour la septième question. Comment appelle-t-on une femme qui mouille abondamment? Oui, Morty. Fontaine, une femme fontaine. Le mec va vomir en direct. Hein, si ça continue comme ça. Huitième question. En général, on regarde un film porno pour les scènes de sexe ou pour la qualité du scénario? Oui, Morty. Bah pour les scènes de cul, faut pas exagérer non plus. Bravo. Il est rapide, hein, Morty. Hein. Il est très rapide. Attention. Oh, je ne vais pas dire ça. Neuvième question. Comment s'écrit le mot phallus? On t'écoute, Morty. P-H-A-2-L-U-S. C'est une victoire de Morty. Bravo. Bravo. Bravo, Morty. Bravo. Morty, est-ce que tu veux dire quelque chose à Emna que tu as battu ce soir? Bah ouais, j'ai essayé de lui laisser répondre un peu pour qu'elle percute, mais bon. Rassure-toi, Edna, t'as perdu face au meilleur, c'est pour ça. Voilà. Oui, ça me rassure, oui. Ouais, le triomphe de Morty ce soir. Emna, tu veux rajouter un truc? Tu veux dire un truc à Morty? Bah écoute, félicitations. Hein. Bravo, Edna. J'espère que tu gères au pied au moins. C'est génial. C'est bon ça. En antenne, on te donne mon numéro si tu veux. Oh. Eh ben voilà, une nouvelle histoire Love in Fun qui se crée ce soir. Emna et Morty. Bravo Morty, on t'envoie le pack de la rentrée préparé par Alice. Et tu repars également avec ton diplôme. Le diplôme, bien évidemment, de ton examen Love in Fun. Salut mon Morty. Allez, merci, je te fais un gros bisou. Ciao, salut, ciao Morty. Salut, salut Emna. Ciao. Vous aussi, hein, vous pouvez participer hein, si vous voulez à l'examen. Il suffit d'appeler au standard 01 42 48 5000. Là, c'est Julie, 25 ans de Troyes, qui est au téléphone. Bonsoir Julie. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir salut. Julie. Salut. Il y a Alexis aussi qui est là, 25 ans de Troyes, qui dit salut l'équipe. Il est sapeur-pompier et Julie, elle est fleuriste. Oui. Vous êtes en salut, couple tous les deux, hein? Oui, ouais. Depuis 4 ans. Voilà, Julie et Alexis Bravo. Sont très amoureux. De quoi on va parler avec vous, vas-y Julie. On aimerait faire la sodomie, mais on a besoin de conseils. Bien sûr, et ben voilà. Appel de couple. On va vous donner des conseils pour faire une belle sodomie réussie, bien sûr. Avec les conseils de Doc, qui est sodomane. Tout à fait. Ah non, pardon, il est médecin, il est sexologue, pardon. Et on va écouter dans un instant Maître Gims, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Y'all ready? Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Est-ce que vous êtes prêts? Cette semaine, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono! Et partez faire la fête à l'Electric Park avec les plus grands DJ. Wait a minute, cut this shit. Feder, Ugel, Joachim Garraud, Mickaël Cagnitro et beaucoup d'autres. C'est gagné! Ça se gagne cette semaine chez Bruno dans la radio sur Fun Radio. Salut, c'est Marion Yenso. Ah, les vacances, les soirées sur la plage, le kiff de retrouver tous ses potes. Mais pour kiffer encore plus Yenso, on a un message super important pour vous. Pour vos soirées cet été, passez en mode Sam. Oui, Sam, le super pote qu'on désigne avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Et qui a le super pouvoir de vous ramener en sécurité. On compte sur vous. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. 22h minuit sur Fun Radio. J'entends des échos, les gens parlent trop. Comédie sur comédie, tout ce qu'on te dit est faux. Oui, j'aime mes défauts, j'aime ce qui est beau. Comédie sur comédie, tout ce qu'on te dit est faux. On dit que je suis son cas, je... Je sais que tu te méfies. Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas trop de films. T'as l'air si particulière, moi l'inconnu m'attire. Quand est-ce qu'on se revoit seul? Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Hey, ok, hello, señorita, hey. Des échos, me qui en fait trop. Jalousie sur jalousie, on veut me faire la peau. Oui, j'ai mon écho, j'aime pas la classe écho. Jalousie sur jalousie, on veut me faire la peau. On dit que je suis son cœur, je sais que tu te méfies. Je ne suis pas un acteur, ne te fais pas trop de films. T'as l'air si particulière, moi l'inconnu m'attire. Quand est-ce qu'on se revoit seul? Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Oulala, ma brigue, brigue, brigue. Hey, ok, hello, señorita, hey. Ok, hello, señorita, hey. Ok, mírame, señorita, hey. Gims et Oulala sur Fun Radio. De 22h à minuit. Radio. J'espère que vous passez une bonne soirée. Nous, on se régale hein, tous les soirs avec vous du dimanche au jeudi, 22h minuit et en direct. Hein, tous les soirs, on streaming vidéo sur le site de funradio.fr. S'il se plaît aussi, hein, n'hésitez pas à aller mater l'émission. Le numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée, c'est le 01 42 48 5000. On a Loïc qui est avec nous là depuis 22h, qui est notre auditeur du soir. Tout va bien, Loïc? Loïc, ah, mettez-le à l'antenne. Corentin, vous a... Coco du standard, il a ripé. C'est pas grave. On va l'accueillir dans un instant. Loïc, t'es là alors? Ouais, là, je suis là, c'est bon. Ah, ah oui, on t'entend. Voilà, c'est les doigts de fée de Coco du standard. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est bien Loïc, on va parler sodomie là maintenant sur Fun Radio. C'est quelque chose que tu as déjà pratiqué? Une seule fois, mais j'ai pas du tout kiffé. Ah bah justement, j'ai pas du tout acquis. On va en parler avec Julie, 25 ans de Troyes, qui est fleuriste. Et elle est avec son petit copain qui s'appelle Alexis, 25 ans, de Troyes lui aussi, bizarrement. Hein, il est sapeur-pompier. Bonsoir. Vous êtes là tous les deux? Salut. Oui, bonsoir. Salut. L'équipe. Salut. Voilà, donc Julie aimerait se faire sodomiser par Alexis. Elle aimerait savoir comment... Dis comme ça. Comment, bah, oui, non mais... Ils voudraient ensemble pratiquer la sodomie. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et alors, donc Julie et Alexis, vous voulez des conseils pour savoir comment on fait? Mais c'est ça. C'est ça, ouais. En fait, on essaie depuis, ça fait quoi maintenant, quelques semaines? Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on essaye. Mmh. Et le souci, ben, c'est que ça rentre pas, quoi, en fait. Ah, d'accord. Ah oui. Ça rentre pas. En fait, voilà, c'est que moi, ça me fait mal. Ça fait mal au cul. Ça fait mal quand il me pénètre, j'ai le cas de le dire. Et en fait, du coup, on aimerait vraiment réussir. Moi, c'est surtout pour lui faire plaisir, parce que moi, je connais pas, honnêtement, ça sera la première fois. Et du coup, voilà, on aimerait vraiment avoir des conseils parce que ça me fait vraiment mal. Et je voulais savoir si ça valait le coup parce que. Voilà quoi. On dirait pas parce que j'ai l'impression que tu le fais pas pour toi. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'entendais, c'est bah, surtout pour lui faire plaisir. Oui. Mais toi, est-ce que t'en as envie? Alors, moi, c'est quelque chose qui me. Que j'ai vraiment envie de pratiquer. Donc, je sais, j'ai conscience qu'elle veut le faire pour me faire plaisir. J'entends bien, Alexis, mais je voudrais juste qu'on revienne sur la question que je posais à Julie, c'est-à-dire, est-ce que toi, t'en as un petit peu envie, Julie? un petit peu pour savoir ce que c'est. Mm-hmm. Après, si mais vraiment je vois que ça marche pas, ouais, si ça marche pas, on essaiera plus quoi. Mais et coup, alors, je pense qu'il prend bien, alors justement, c'est peut-être à force d'essayer qu'on peut y arriver. Donc, il faut pas obligatoirement partir avec l'idée de OK, dès la première fois ça va marcher, ça va être parfait et du coup je vais le refaire. Mais oui, la première, bah c'est comme un rapport sexuel aussi hein, la première pénétration, c'est pas toujours la plus géniale, la première fellation non plus, enfin voilà. Et donc la première fois, bah on s'y prend pas bien, c'est pas très bien et puis la deuxième ça peut être mieux, on apprend. On s'améliore, voilà, bien sûr. On s'améliore petit à petit. Alors évidemment, il y a effectivement plein de petites astuces pour faire que ça se passe du mieux qu'on peut, mais la première chose, c'est déjà d'avoir envie. Et très envie. Bah justement, Doc, est-ce qu'on peut se faire un petit tuto sodo peut-être Allez. Ah bah alors comment pratiquer une sodomie et que ça se passe bien? Quels sont les ingrédients, Doc Pavageau? Bonsoir. Bonsoir Doc. Alors pour une Doc belle sodomie. La première chose, c'est d'avoir envie et que les deux en aient envie. C'est vraiment absolument indispensable. Juste pour une chose, Julie, c'est que quand tu en as vraiment envie, tu ne peux pas le savoir, c'est inconscient, mais les muscles sont détendus. Dès que t'as pas complètement envie, ou, alors le pire c'est, j'ai un peu peur d'avoir mal, inconsciemment, tes muscles vont se contracter, que tu le veuilles ou non. Pardon. Que tu le veuilles ou non. Et par conséquent, évidemment, comme ça se resserre, eh ben, ça fait mal. Et donc, du coup, après, on dit, bah, tu vois, j'ai eu mal. Voilà. Alors qu'en fait, c'est que tu l'as induit, mais tu l'as induit parce que t'as pas complètement envie. Donc déjà, même si c'est pour lui faire plaisir, il faut que tu progresses, toi, dans ton envie. C'est-à-dire, ok, vraiment, j'ai très envie de te faire plaisir, c'est vrai, mais j'ai très envie d'essayer pour voir ce que c'est. Et puis, si c'est pas la première fois qu'on y arrive, c'est pas grave, on n'est pas obligé, ça peut être la fois d'après, et puis si la première fois c'est pas parfait, ben, ça sera la deuxième, la troisième ou la quatrième. Alors Doc Pavageau, excusez-moi de vous couper. Petite question qui arrive sur les réseaux sociaux. Oui. Faut-il laver son anus avant de pratiquer la sodomie? Alors oui, bon là on est dans le must du must. Effectivement, préparé par un lavement, c'est très très bien, mais ça va nécessiter quand même tout un acte bien technique avant, qui peut faire perdre un peu le côté glamour, envie et spontanéité surtout. Donc pour une première fois. Bon, c'est pas très grave. Alors après, ça dépend chacun, aussi bien Julie et Alexis, votre rapport au fait que, oui, bon, c'est possible que ce soit pas complètement propre. Bon. Une nouvelle question qui nous arrive sur les réseaux sociaux. Peut-on ressortir avec un chocapic au bout de la teub? Tout à fait. Ah, ça fait partie des risques du métier. Bien sûr. Alors, il y a des gens, aussi bien chez les filles que les garçons, qui sont, dès que ça leur arrive, c'est la catastrophe, faut tout arrêter, c'est pas possible, je peux pas, machin, bon. Et puis, il y en a d'autres qui disent, oui, bon, bah, c'est la nature, c'est pas très grave. Donc, un peu à vous de voir. Eh bien voilà, bah, moi, ça fait. Ça ne me dérange pas. Ah bah, très bien, mais alors, Alexis. On a compris que toi, t'étais au taquet. Hein, Alexis, ah, si. Oui, mais normalement, c'est plus pour celui qui le fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va plus être pour Alexis qui va trouver le bout de chocolat, plutôt que, effectivement, Julie, où elle le sentira moins. Donc, c'est un peu moins un problème pour la personne qui reçoit la sodomie. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Alors, il y a un petit message d'Adeline. Petit message d'Adeline sur le hashtag LoveInFun pour Julie qui dit « Nous aussi, on pratique personnellement et c'est à force de le faire que c'est devenu très appréciable. Voilà. C'est pas la première fois que c'était cool, mais il faut surtout utiliser beaucoup de lubrifiants. » Voilà. Elle, c'est son conseil. C'est ce que j'allais dire ensuite dans les autres astuces. Il y a bien évidemment l'envie parce que ça va te détendre et le muscle va être détendu, mais il y a aussi la lubrification. C'est une zone qui peut être un peu humide quand on est un peu chauffé. Donc ça nécessite aussi de chauffer sa partenaire. Bien sûr. Donc ça, il y a plein de techniques. Donc il faut faire des préliminaires, c'est absolument indispensable. Aussi bien avec le doigt, aussi bien avec la langue. On peut tapoter sur l'anus juste pour réveiller les récepteurs parce que c'est une zone érogène qui est faire très très sensible. Faire siffler la rondelle, comme on dit. Voilà, c'est ça. Ensuite seulement, on peut aller y mettre un doigt avec des ongles coupés, s'il vous plaît. Et puis voilà, jouer un petit peu avec. Et puis ensuite, avec du lubrifiant, on en met un deuxième, tout doucement. Et puis on s'arrête là. On attend, on fait autre chose, et puis on y revient pour que l'envie progresse. Parce que comme ton anus aura été stimulé, eh bien, il va avoir envie d'aller plus loin. Alors, on va accueillir Marine, 23 ans de Clermont-Ferrand, qui a, à mon avis, déjà pratiqué la sodomie. Bonsoir Marine. Salut l'équipe. Salut. Bonsoir, t'aimes bien toi la sodomie, Marine? Ouais, moi je suis une fan. Ah, t'es fan de sodomie. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta révélation de cette passion? la première fois? J'y suis un peu tombée par hasard, on va dire. Il y a à peu près un an. C'était comme ça. Bon, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, on va dire. Ouais. Et j'ai essayé une fois. Bon, la première fois, c'était pas top du tout. Hein. T'en avais et, envie ouais, j'en avais vraiment envie. Vraiment, j'avais vraiment envie de tester ce que c'était. Bon, c'était pas top. Après, il y a pas eu de douleur, donc ça va. Mais c'était bof. J'allais pas y revenir forcément. Et pourtant. Et puis j'ai connu un deuxième homme avec qui c'est venu naturellement. Hein, et puis il m'a fait un peu plus aimer la sodomie. Et puis le troisième un peu plus. Et puis ben au final maintenant voilà je jure. Quasi que par ça. Mais t'as appris finalement, t'as appris de ton corps comment faire, comment c'est bien, etc. Tout doucement. C'est ça, c'est ça. Alors qu'est-ce qui t'excite dans la sodomie? Bonne question. Je me suis jamais réellement posé la question. C'est peut-être cliché, mais c'est peut-être cette soumission, certainement. Pour toi, il y a un côté soumission dans la sodomie. Ouais. Enfin, c'est quand même assez intime, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire, moi, je donne pas mon cul à n'importe qui. C'est réellement le cas de le dire, parce que bon, il faut de la préparation, il faut de la confiance, il faut de l'envie, surtout beaucoup d'envie, parce que si on n'a pas envie, qu'on se braque ou qu'on n'a pas la tête, qu'on a la tête ailleurs, c'est fichu, on va avoir mal, on va se braquer. Donc c'est un petit peu ce qui arrive à Julie, hein, en fait. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, j'ai le sentiment, Alexis, hein, que Julie n'en a pas envie et que va falloir que peut-être tu penses à faire autre chose. Elle est pas complètement réticente non plus. Et puis comme l'a dit Marine, la première fois pour elle c'était pas non plus ça s'est pas forcément bien passé. Et c'est pas pour autant qu'après. Pourquoi tu à toi Alexis de lui communiquer ton envie dans le rapport sexuel déjà, peut-être en parler, bon, c'est une chose, mais même pendant, c'est la chauffer à cet endroit-là. Dans c'est la venir sexuelle. La stimuler, prendre ton temps, faire des préliminaires, que ce soit long, ouais. que ce soit long, voilà, et qu'elle en ait à un moment donné tellement envie, effectivement, ouais. Avec beaucoup de lubrifiant, eh bien, et puis il y a des positions ouais, aussi, je pense que certainement que Marine peut le dire, il y a aussi des positions où ça fait plus mal ou moins il mal. Il y amène plus facilement aussi, et puis voilà. Il y amène plus facilement, je sais que moi ce que je peux conseiller, non, pas forcément la levrette, alors la levrette ça dépend, il y a des filles qui vont se sentir vraiment à l'aise, parce qu'elles vont pouvoir elles-mêmes maîtriser la pénétration, y aller tout doucement, mais il y en a qui vont pas être à l'aise, parce qu'il y a des mecs qui vont avoir tendance à y aller comme des bourrins, voulu ou pas voulu, moi ce que je conseille c'est plutôt la cuillère, tout doucement, tu te mets derrière elle, tu la caresses, tu la touches, tu te frottes à elle, tu te frottes derrière elle, tu y vas, quoi, tu doucement, non, avec de la patience. Ouais. Même être elle qui te conduit, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre ton sexe et qui va l'amener doucement à son allure à elle, voilà. C'est ça, doucement, elle, à y aller, et puis voilà. Mais c'est surtout être à l'écoute de l'autre. Si elle te dit qu'elle a mal ou d'y aller doucement, il faut qu'elle respire, il faut qu'elle... voilà, il faut être... On ira doucement, chérie. Oui. On sent une passion dévorante pour Marine. Bah merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas Marine. On sent qu'Alexis il a la quéquette à la main, il attend que ça le mec. On n'est pas loin. Prenez votre temps surtout et voilà, Julie fait déjà l'effort donc c'est déjà cool. Un dernier conseil très vite fait, il existe des sprays en vente sur internet qui sont faits exprès pour relâcher le muscle anal. Ça existe, ça doit s'appeler Relax, donc c'est super simple. Vous pouvez vous le procurer sur internet mais aussi dans des sex shops et ça marche très bien. D'accord. Et on n'est pas à l'abri d'un petit paix à ce niveau-là. On est très très relaxé, bien sûr. Alexis, Julien, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite continuer de faire l'amour et des sodomies. Salut Alexis. Salut, salut Julien. Salut, gros bisous. Et on va accueillir Maria, 16 ans de Metz. Ah. Ma région. La région d'Alice. Bonsoir Maria. Salut toute l'équipe. Bonsoir à toi Maria. On va parler de quoi avec toi dans un instant sur Fun Radio? J'avais besoin de votre aide, comme je me sens moche, et bon, j'ai jamais été en couple, et bon, j'avais besoin de votre aide. D'accord, ok, donc ouais, t'as 16 ans, t'as jamais eu de petits copains, du coup tu te poses plein de questions, on va en parler avec toi et avec vous tous au standard. En attendant, c'est David Guetta, Showtech, Your Love. à minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. Qu'est-ce que c'est bon ça, le David Guetta sur Fun Radio avec Showtech. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus. C'est Love in Fun du dimanche au jeudi, 22h minuit. Pour nous parler à l'antenne, le 01 42 48 5000, c'est gratuit. En plus, on vous rappelle derrière. Par exemple, on a rappelé Maria, 16 ans de Metz, qui est avec nous. T'es là, Maria? Ouais. Ça va, Maria? Ça va et toi? Bah super. Et Maria, on va t'aider là parce que comme beaucoup de personnes, je pense à l'âge de 14, 15, 16 ans, où ton corps change. Hein. Enfin moi, je sais qu'à 14, 15 ans, j'étais vraiment dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Et j'avais pas de copine. Et je voyais tous mes copains qui avaient des copines et tout. Et je me suis posé des questions à un moment donné. Quoi. Je me suis dit, il est où le problème quoi? Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce pourquoi tu nous appelles, Maria, non? Oui, c'est un peu pour ça. Vas-y, dis-nous tout. Bah, c'est que je suis au lycée, bon, j'ai des potes bah, qui sont en couple et moi je suis pas en couple et quand je passe à côté d'eux, bah, ça me fait rager que je me dis est-ce que je suis moche, j'ai un problème, bon, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais eu de copain, c'est un peu... Mais non, ça n'a rien à voir avec ça de toute façon, c'est parce que toi tu te sens moche que tu as cette sensation-là. On va rarement vers quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'est pas spécialement épanoui. Si tu avais un peu plus confiance en toi, en ce que tu dégages, en ton physique, en ta personnalité, parce que le physique, on s'en fout, ça fait vraiment pas tout, et c'est pas que avec un physique que t'accroches quelqu'un. Si t'étais plus dans cet état d'esprit-là, je pense que tu arriverais mieux à trouver l'amour. Mais accepte-toi déjà comme tu es, avant de chercher à te faire accepter par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Est-ce que tu cherches à plaire ou au contraire, est-ce que tu fais attention à toi par exemple? Bah ouais. Bon, bah, c'est un petit ouais ça. Ouais, c'est un petit ouais. Moi je t'ai vu sur Facebook. Ah alors? Bah oui, parce que tu nous as contacté sur Facebook, donc j'ai été voir et on en parlait justement avec Essim, on disait que t'étais très mignonne et que t'avais un style un peu à la Audrey Tautou. Ouais. Tu vois, qui est quand même une fille qui est hyper mignonne, mais ça se voit que toi t'es un peu fermée. Tu vois, je veux dire, t'as pas de souvent à ton âge, il y en a qui ont plein de boutons, qui le vivent mal. Je veux dire, t'as une belle peau, t'as une belle bouille, t'as un petit carré super sympa. Non, mais c'est vrai. Je pense vraiment que tu te sens pas belle, alors qu'en fait, t'es juste hyper mignonne. Un potentiel. Ah mais carrément, t'es juste hyper mignonne. Mais forcément, entre une fille qui marche et qui sourit à tout le monde et quelqu'un qui fait la gueule et qui est gêné quand on la regarde, bah ça change tout. Est-ce qu'il y a de la timidité en plus en toi ou pas? Oui, je suis hyper timide. Et oui, ça va aussi avec. Hein. Mais c'est vrai que ça fonctionne beaucoup dans le regard de l'autre. Donc quand on n'a pas le regard de l'autre, eh ben on n'a pas confiance en soi. Et comme on n'a pas confiance en soi, eh ben on n'avance pas, on regarde pas l'autre. Et puis c'est un cercle vicieux. Donc il y a un moment donné où il faut que tu acceptes que tu sois comme tu es. Voilà, jolie, alors avec des défauts, parce que tout le monde en a aussi, les autres filles. Pourquoi tu me regardes ça, c'est bon. Oui, j'ai des défauts. Ouais. Et voilà, t'accepter comme tu es et aussi te mettre en valeur. C'est-à-dire que c'est important aussi pour toi de te regarder dans la glace et de te dire ce que je suis en train de me faire, si c'est se maquiller, si tu le fais, t'habiller, ta façon de t'habiller, etc., que ça te mette en valeur à tes propres yeux d'abord. Que tu te sentes belle, quoi. Et que tu te sentes belle à tes propres yeux. Et que tu te dises, ah là, dans le miroir, moi, je m'aime bien. Rien que ça. Ça peut suffire à faire que quand tu marches dans la rue, bah tu regardes pas les gens de la même manière parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais que t'es belle à tes yeux à toi déjà. Dans ta tête, faut qu'il y ait Beyoncé, tu vois. Hein? Non mais c'est vrai. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Doc parce que moi, bah justement, j'avais pas eu tout de succès avec les filles et pour les raisons que t'as dites, c'est-à-dire que bah je me trouvais pas beau gosse et tout machin. Et après, bah moi j'avais par exemple j'avais des lunettes et tout, donc j'ai enlevé les lunettes, j'ai mis des lentilles. Bon, j'étais un peu tout queuse. C'est tout, donc j'ai fait un peu de musculation, ça se voit, hein, bien sûr. C'est super bien marché. J'ai commencé, arrêtez de vous foutre de ma gueule. J'ai commencé aussi à faire de la radio et ça m'a, enfin voilà, de parler derrière un micro et tout, bien ça sûr. M'a donné confiance en moi et après, bah, c'est tombé. Ouais, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis célibataire. C'est la chute de cette histoire. Bah, non mais voilà, Maria, il faut surtout arrêter aussi de penser et de se comparer. Oui, aux copains, aux copines, et tout, qui pour la plupart m'étonnent pas mal aussi en disant ouais tout l'été j'ai pas arrêté, oui. Hein, et qui ont été tout seuls. mais tu vois, moi je suis née avec un problème aux yeux, c'est un strabisme, et bon tu vois, à chaque fois que quelqu'un me regarde, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde que sur ça. Et t'as pas essayé de te faire opérer? Parce que moi aussi j'avais un strabisme. Mais j'ai peur. Bah, et ça peut être pas mal, parce que pour bien coup, sûr. Alors après, il y a des strabismes qui sont charmants, et ça peut rendre parfois très joli, c'est très mignon. Bon, maintenant, si toi, c'est un souci pour ta confiance en toi, bah oui, cette opération-là, autant la faire. Maintenant, va voir l'ophtalmo, t'en discutes, même si t'as peur, l'ophtalmo, il va pas se jeter sur toi avec un scalpel, donc tu vas discuter avec, il va te dire, voilà, ça fait ça, etc. Et puis après, tu décideras. Bon, tu peux toujours attendre encore un peu, mais au moins que t'aies des arguments pour discuter, de dire de quoi t'as peur, parce que l'ophtalmo peut peut-être te rassurer sur les raisons pour lesquelles t'as peur. Et puis, si c'est vraiment un handicap pour toi, c'est quand même quelque chose qui est assez simple, qui est une opération qui est vraiment très simple. Donc. Cassie Malaria. Et en plus, Maria, tu peux te la péter avec ton strabisme parce que tu peux tricher sans te faire griller. Pratique. Bah, je te trouve bien gentil de rire à ça. Mais c'est vrai que ça passe par là. Ouais. Ça sent que t'as un complexe qui est évident. Donc là, tu nous le dis, on comprend mieux. C'est au niveau de tes yeux. Donc vraiment, je pense que si tu réussis à passer le cap de cette opération, parce que c'est pas pour les gens que c'est un problème, c'est vraiment pour toi. Donc si rien que ça change, tu te regarderas dans le miroir différemment, quoi. Tout à fait. On a Bilal. Bilal, il a 24 ans. Il est de Mont-Saint-Meil. Bonsoir, Bilal de Mont-Saint-Meil. Salut toute l'équipe. Salut Bilal. Salut. Bilal, c'est où ça, Mont-Saint-Meil? Je connais pas. C'est juste à côté de Chelles. Ah bah bien sûr, Chelles. Ah bah je connais pas trop. Ouais. Ah si, dans le 78, dans les Yvelines. 77. Voilà. 77 ou 78? 77. J'ai un... Bilal, attends, on veut le savoir. On va en avoir le cœur net qui a raison. Hein. C'est dans quel département? C'est dans 93 en fait. Ah d'accord. Alors, je crois qu'on s'est tous les deux plantés. Non, ce week-end j'en ai découvert un dans l'Oise. Ah bah voilà. Eh ben il y a plusieurs Mont-Saint-Meil en tout cas. Alors Bilal, tu nous appelles pour réagir toi par rapport à Maria. Oui, j'ai entendu toute la conversation. J'ai entendu, je pense que le fait que tu dises je suis moche, en fait c'est faux en fait, parce que Bilal, t'as un petit peu bu ce soir ou pas? Non. D'accord. Alors vas-y, alors pourquoi c'est faux? C'est faux parce que moi aussi j'étais un petit peu comme ça, j'avais du mal à partir vers les filles, j'avais pas confiance en moi. En fait, j'attendais que ça soit les filles qui viennent vers moi. J'arrivais pas à faire le premier pas. Timide. Et voilà, j'étais vraiment très timide. Et après, j'ai essayé de me surpasser, j'ai essayé de prendre de l'avant, et quand je voyais une fille qui plaisait, ben je lui disais qu'il me plaisait. Après on peut se prendre un râteau, mais c'est dans le long. Si on se prend 5 râteaux, après à un moment ça réussit. Si on se prend un seul râteau, ben c'est normal que si on a fait une seule demande, ben c'est comme ça. Et le fait que tu as un strabisme, il faut que tu puisses jouer avec, parce que ça fait de toi une fille unique. C'est super intéressant, parce que la personne qui va s'intéresser à toi, elle va pas s'intéresser juste à ça, elle va s'intéresser à ta personnalité, à comment tu es, à ta timidité, à ta façon de voir les choses, etc. Et tu t'en fous, le strasbisme, ça a qu'à faire une sélection naturelle. Si une personne est complexée avec ton strabisme, t'en as que faire de lui. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où quand t'es amoureux de quelqu'un, t'es amoureux de la personne, qu'elle a un strabisme ou pas, ou un défaut physique ou pas, enfin voilà quoi. Tu tombes entièrement amoureux de la personne. Comme ça fait une sélection naturelle, et comme ça, t'en es sûr de pas être avec une personne qui vaut pas la peine en fait. D'accord, et t'as une copine, Bilal? Oui, j'ai une copine. D'accord. Eh ben, on te félicite, Bilal. Hein, pourtant, tu étais. Mais bien sûr. Ça m'a vraiment touché ton histoire. Mais t'as 16 ans là, tu es devant toi. Tu te prends pas la tête. Essaye de dire que t'es une fille magnifique. C'est vraiment parce que c'est la pensée qui crée la réalité. Si toi tu te dis je suis moche, je vois pas le coup, etc. Ben, il n'y a personne qui va venir te voir. Ouais, mais toi, bon, comme quand j'étais au collège, bon, j'ai eu beaucoup de critiques. Comme j'étais petite, j'étais assez maigre. Bon, je suis de même toujours. Du coup, ça reste dans la tête. Oui, mais ça, c'est un âge où c'est normal. Tout le monde. Mais, tout le monde s'envoie des critiques à cet âge-là. Je veux dire, l'adolescence, c'est vraiment particulièrement un âge difficile où tout le monde s'envoie des bâches, des critiques, etc. Ça, c'est normal. Mais c'est fait effectivement pour que tu les surmontes et que tu dises « Mais j'en ai rien à faire. Moi, je suis comme je suis. » Bien sûr, il faut s'accepter. C'est du potentiel. La psychologie, ça a vraiment un effet qui est très important et ça a été prouvé en fait. Aux enfants qu'on dit t'es débile, tu vas jamais réussir, ils font tout pour pas réussir et ils réussissent pas. Et les personnes ont dit mon fils, t'es le meilleur, tu vas y arriver. Il se la pète. Ça devient un con. On va se retrouver dans les coins de messe, on se fait un petit relooking, je te maquille un peu et tu verras que t'es hyper canon. Ah, Maria, après le shopping. C'est un relooking d'Alice qui va. Elle a même pas besoin de se faire relooker, tu vois. Elle a juste besoin qu'on lui montre que finalement elle est bien plus canon que ce qu'elle l'imagine. Et Loïc, qu'est-ce qu'il en pense, notre auditeur du soir, qu'on n'a pas encore entendu là-dessus. Loïc, toi, t'as été touché par ce qu'a dit Maria, tu t'es senti toi aussi parfois, peut-être un petit peu mal dans ta peau et. Est-ce que tu as vécu ça, toi, Loïc ? Oui, c'est vrai, quand j'étais plutôt au collège, moi, j'ai vécu ça aussi. Après, j'ai surpassé, quoi. Et comme il ne faut pas se dire qu'on est moche, il ne faut surtout pas se dire ça. Et il faut se dire, comme il disait Bilal, qu'on est super beau et qu'on est super belle. Et, voilà ! Même si on est moche, il faut se dire qu'on est beau gosse. Voilà. Ne pas se rabaisser et... Justement, en fait, c'est comme ça qu'on perd tout. Et parfois, ça se joue à pas grand chose, hein. C'est vrai, c'est des petits détails. Ça peut être une tenue vestimentaire, une belle coiffure, un petit peu de maquillage. Bon, pas trop pour camoufler les boutons, sinon ça fait des croûtasses. Mais la confiance, surtout. Mais la confiance en soi. Mais quoi. Ça se travaille aussi. Ouais, moi, c'était comme ça jusqu'à 30 ans. Hein. Bien sûr. Moi, jusqu'à 30 ans. Ah, avant, t'étais moche. Je me trouvais moche. Je sais pas si je l'étais ou si je le suis, c'est pas la question. En tout cas, je me trouvais moche. Très bien. Voilà. Demain, on mettra une photo de Doc quand il avait 30 ans. Avant, après. Ah, c'est bon ça. Mais plein de gens me trouvaient super beau pour autant, mais pas moi. Moi, à mes propres yeux, non. Et j'y ai travaillé. Bien sûr, la confiance en soi, c'est hyper important. Maria, tu vas pas raccrocher, d'accord ? On va t'envoyer un petit cadeau et puis il y a peut-être une petite rencontre à Metz là qui peut se prévoir avec Alice là. On s'écrit sur Facebook. Pas de problème. OK. Gros bisous Maria. Bisous, salut. Et un gros bisou à Bilal aussi, Bilal notre philosophe ce soir. Hein. Ah oui. Hein, salut mon Bilal. Salut. Salut. Salut et merci de nous avoir appelé. 01 42 48 5000 tous les soirs sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Dans un instant, on va parler de Dirty Talk, c'est ça Alice? Oui, on a reçu un petit message de Mathilde. En fait, elle est en couple avec un mec qui lui parle souvent mal pendant l'amour. Elle se demande pourquoi en fait certains ont besoin de ça pour s'exciter. Alors, dites-nous si vous l'avez déjà fait, pratiquez le Dirty Talk. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il y en a qui aiment, qui n'aiment pas? Venez nous dire sur Fun Radio. On revient avec David Guetta là tout de suite. A tout de suite. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. Fun Radio vous offre 1000 euros. On a décidé de mettre les moyens de sortir le chéquier et de vous offrir tout simplement 1000 euros. C'est ce double fun qui est plutôt cool, je trouve. Et je crois que Marilyn du 7-8 est d'accord avec moi. Bonjour. Qu'est-ce que tu as entendu sur Fun Radio? J'ai entendu le double fun avec Juliane Peretta et Liam Payne. Grâce à Fun Radio, tu gagnes 1000 euros. Merci beaucoup. C'est le double fun sur Fun Radio. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. I wish I was the one of your exes. No, I- so long. Appelez Karel, Alice et Dub Pavajo. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Ouais, c'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Vous êtes sur les routes à la maison, tranquillement, en train de nous écouter, peut-être branché sur le streaming funradio.fr. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Karel, il y a Alice, bien Salut. Sûr. Dub Pavajo, notre médecin. Il est sexologue, hein. C'est un spécialiste du sexe. On vient le voir pour apprendre à jouir, par exemple. Tout à fait. Hein, pour avoir de bonnes érections. Complètement. On vient te voir, la plupart du temps, on vient te voir pourquoi Il y a deux sujets majoritaires. C'est l'éjaculation prématurée. Ah oui, évidemment. Oui, c'est vrai. Et puis le deuxième, c'est les troubles de l'érection. Ah oui, ça, oui. C'est vraiment les plus gros. Et puis après, les troubles du désir dans le couple. Il y a plus d'hommes que de femmes qui viennent te voir, hein. Alors, dans mon recrutement, moi, oui, parce que je travaille dans un cabinet d'urologie, donc il y a un peu plus d'hommes, mais j'ai aussi les femmes. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir une femme qui vient te voir et tout, et elle te dit, bah voilà, moi j'arrive pas à jouir, est-ce que vous pouvez me montrer comment on jouit? Elle peut toujours poser la question, mais voilà, je ne vais pas faire de travaux pratiques au cabinet. Quel dommage! Et en dehors du cabinet? Non, en déontologie. Mais bien sûr. Il y a la déontologie des médecins. Alors, on va parler de Dirty Talk. Hein, je ne sais pas si on est déjà venu te voir pour ça, mais on a Sarah qui est avec nous, 25 ans de Lille. Alice, on a reçu un petit message. Oui, c'est ça, un message de Mathilde. En fait, elle est avec son mec depuis quelques semaines. Et en fait, il lui parle souvent mal quand ils font l'amour. Elle se demande pourquoi certains mecs, et notamment lui, enfin, certains ont besoin de ça pour s'exciter. Alors, balancez-nous d'ailleurs les pires phrases qu'on a pu vous sortir pendant l'amour. Hein, n'hésitez pas. On vous attend là au standard au 01 42 48 5000. Bonsoir Sarah. Salut Karel, ça va? Ça va bien. Salut. T'as 25 ans, t'es à Lille. Le Dirty Talk, tu connais ou pas toi? Bah vite fait parce que ça a pas duré très très longtemps. Ah ouais, tu m'étonnes. T'as pas aimé toi. Vas-y, raconte-nous. Ben, en fait, j'étais en train de le sucer et puis tout d'un coup, il me colle une claque au cul et il me dit t'aimes ça hein? Oh putain. Ah ouais. Ben, on parle pas la bouche pleine en fait. Du coup, j'étais un petit peu gênée. Ah ouais. Il me regardait en attente en fait. Mm-hmm. Et j'ai fini par lui dire, je sens rien. Ah ouais, non. Ah ouais, non. C'est... Ah, toi, t'es cassante, toi. Ah ouais, non, tu m'étonnes. Je suis honnête en fait, mais trop. Ah ouais, non, mais c'est. Ah, bah, quand t'aimes pas, bon. Ah moi je ça me gêne enfin je peux pas le faire par exemple parler comme ça à une fille quand je lui fais l'amour ça me gênerait vraiment de lui dire un truc comme ça. C'était la première fois que vous voyez? Oui. Ouais, bon, ah oui, en plus. Première fois, c'est peut-être quand même un peu cavalier, quoi. Hein, ouais, carrément. À la rigueur, ça peut être un petit jeu, quoi, tu vois, une fois oui, de temps en temps. C'était surtout pas le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Faut quand même un peu tester la sensibilité de la personne en face. Ouais. Non, parce que sinon, c'est manque de respect, quoi, tu vois. Ah oui, quand même. Ah, bien sûr. Alice, t'as déjà parlé salement comme ça, toi? Non, mais en fait, moi, je trouve ça super dangereux, le Dirty Talk, parce que tu vois, j'ai une copine, elle a dit à son mec, genre, traite-moi comme une chienne. Ouais. Et puis, il l'a laissé sur le bord de l'autoroute, quoi. C'est le truc. Non, mais ça peut aller super loin. Mais moi, on m'a jamais spécialement parlé mal, parce que du coup, au final, je me rends compte direct que, enfin, il se rend compte direct que c'est pas mon délire, quoi. D'accord. Ça se voit dans le regard. Genre, tu es sûr que c'est pas plutôt toi, ma salope. Tu vois, enfin, c'est ça, tu me traites pas de salope, tu me dis pas, tape dans le fond, parce que ça va te faire tout drôle. Mm-hmm. Parce que déjà, tu touches même pas le fond. Donc, tu vois, enfin, vraiment, c'est ça. ça. Moi, ça, voilà, faut pas me traiter en tout cas. Des petits mots. Des fois, il y a des petits mots un peu crus, tu vois. Enfin, pas crus que tu peux te dire, tu vois, du style genre. Enfin, je sais pas. Il y a des mecs qui des fois vont te dire genre. Enfin, je sais pas. Tu prends du plaisir. T'aimes ça, machin, des trucs comme ça, des trucs un peu avec plus. Avec un œil, avec oui. une voix, avec un ton. C'est ça aussi des fois qui fait ça. Plus que le mot. Oui, des trucs un peu plus sauvages, quoi, voilà. Tu vois, mais pas avec les insultes. Et ça permet d'ailleurs de tester la partenaire, hein, en utilisant cette voix, ce ton, cet œil. Ah, c'est ta technique, Doc. Bah ouais, tu mets un petit mot qui peut paraître anodin, simplement tu le dis d'une manière qui va être un peu plus sexe, un peu plus appuyée. Et ça permet de voir comment est l'autre. Si tu vois que l'autre répond pas, que c'est pas, déjà pas son truc, tu vas pas plus loin. Ouais, carrément. Sinon, on peut aussi en débriefer en dehors. Alors, plus quand t'es dans une relation. Mais effectivement, dans une relation, tu peux peut-être le dire. Ça peut peut-être s'amener aussi. Donc, si vous voulez commencer, dites juste, t'aimes ça. Et après, vous pourrez peut-être rajouter le mot qui vient. Mais le t'aimes ça, c'est quand même un peu genre, vas-y, t'aimes ça. Bah, ça dépend pas, comment c'est dit, comment c'est fait, quoi. Oui, c'est ça. Romain. Si c'est sous forme de question. Ouais. Romain nous rejoint. Salut Alice. Salut. Bonsoir salut. Romain, salut 21 ans. Salut l'équipe. Salut Avignon, salut Romain. Tu pratiques le Dirty Talk? Ouais, un peu, ouais. Et tu pratiques ça avec toutes les filles avec qui tu fais l'amour ou non, occasions particulières? Non, il faut. Non, pas d'entrée de jeu. Déjà, j'attends un peu de connaître bien la fille, voir si elle aime. Déjà pas mal. Le terrain avant. Tu lui dis quoi? Bon, ça dépend de tout, hein. Ça dépend de la personne que j'aime pas, c'est. Et pour quelqu'un qui est plutôt réceptive, tu vas lui dire quoi? Oh, ouais, ça peut aller à la grosse insulte, hein, genre ma chienne ou des actions comme ça. D'accord, ah ouais, t'y vas quoi. Mais ça t'excite de t'imaginer qu'en fait cette personne est ta chienne? Mais non, pas forcément, ça fait. Je me dis pas ça clairement, mais c'est l'instant T sur le coup là. Mais en fait, ce qui t'excite, c'est quoi? C'est le fait de dire des trucs qu'on dit pas spécialement souvent, le côté un peu justement sauvage, comme on disait, ou c'est vraiment le fait de rentrer dans un peu plus l'insulte et le délire comme ça, quoi? Est-ce que des mots comme salope, ça peut t'exciter? Non, je pense que ouais, carrément. Mais après, je pense que surtout, genre, c'est l'occasionnel, c'est. C'est le jeu, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le jeu là-dedans. On est dans un jeu de rapport de soumission, parce que ça va bien évidemment avec, c'est quand même dans la domination et la soumission, mais ça reste un jeu, donc jouons avec. Après, évidemment, si on est en train de dire un truc complètement sérieux, je suis pas sûr que... Après, on dit t'aimes ça, salope, les trucs comme ça, mais des fois, c'est les filles aussi. Hein. Les bien filles sûr. Qui disent, vas-y, tape au fond, je suis pas ta mère, hein, tu vois, des trucs comme ça. Et non, mais c'est vrai, il y a aussi bien les sûr. Filles qui aiment qu'on leur sûr. Parle. Voilà. Tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, elle voulait que je l'insulte et tout, traite-moi de salope, je suis ta salope, vas-y, carrel de fun. Bon. au bout d'un moment, moi, j'arrivais pas, quoi, salope, tu sais, j'ai un petit salope comme ça, tu vois. Vas-y, salope. petite salope, t'aimes ça? Et puis, bah, je sais pas. Ouais, ça me. J'ai demandé. Ça me coupe le délire, quoi. T'as presque envie de rire, parce que quand ça te ressemble pas, t'as l'impression que si voilà, c'est un toi. Jeu. C'est un autre rôle. Ouais, non, il faut vraiment être réceptif au truc. Caroline, t'es à Poitiers. Salut, Caroline. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir. Ça va, petite salope? Ah, j'ai l'impression que Caroline, elle est pas du tout réceptive. Hein. Moi, je suis pour mes comptes, ça dépend. De temps en temps, ça peut être fun. Ouais. Mais tout le temps, c'est rengaine. Enfin, c'est pas rengaine, mais enfin, moi, j'ai l'impression que ça peut être un peu dégradant pour la fille. Alors, ah, moi, bah justement. Et alors, ça se joue à quoi quand tu dis de temps en temps, ouais, mais pas tout le temps? Ça se joue à quoi? Bah, je veux dire, après, dans un délire, quoi. Comme dans un délire, une soirée, on veut jouer à ça. Les habitudes, ouais, voilà, c'est comme ça. Ça, exactement. D'accord. Après, moi, je suis tombée sur un, alors au début, je pensais que c'était occasionnel, et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était tout le temps comme ça, il parlait tout le temps comme ça, en fait. Ok. Et là, c'est moins drôle. Ah ouais. Et là, c'est moins sexy, ouais, c'est moins glamour, et ça donne pas très envie. J'avais justement, j'avais allé en caisse, salope, t'es ma chienne. En caisse quoi? En caisse. Ouais, en caisse. Ouais. Oh, quelle horreur! C'est ma chienne. C'est ça. Okay, d'accord. Donc, mais c'est choquant de ouf. Et t'as pas envie de te retourner, de foutre un pain à la gueule au mec? Et quoi, tu mets un coup de boule, vas-y en caisse toi aussi. Quelle horreur! Donc la boîte ça va pas durer non plus, parce que après je me dis effectivement Ah t'as pas encaissé quoi en fait. Non, j'ai pas encaissé. Ah ouais. C'est ça. Non, il faut. Et puis alors Après, quand tu lui parlais aussi, parce qu'il me demandait de lui parler comme ça aussi. Ah oui. Bah alors, c'est effet déclencheur. Si je voulais terminer le truc en 10 secondes, j'avais juste à lui dire, je suis ta chienne, je suis ta salope, je suis ta pute. Mm-hmm. Je crois. Ouais, et ça, là, c'est parti. Ouais, ça fait venir les mecs plus rapidement. Et lui, ouais. Tu le traitais pas de pute? Non. Là, ça l'excitait pas bizarrement. Non, ah ouais, c'est bizarre. C'est hein. pas pareil. C'est ah ouais, pas, non, c'est pas pareil. Ouais, c'est quand même bien quand c'est un jeu réciproque et que tu sais où c'est. Voilà, une fois c'est toi, une fois c'est moi. Bon, après, on s'en fout de la statistique sur une fois, mais voilà, que ce soit un jeu. Il faut que ça reste voilà, un jeu, exactement. Quoi. Quand déjà on est dans de l'habitude et que c'est obligé de passer par ça, c'est quand même. Bah ouais. Oui, parce que quand en fait on se parlait pas comme ça, il vendait pas. Ah ouais ouais, ah oui. Donc, oh, bien, relou, bien, oui. ça okay. devenait nécessaire pour lui de te ouais. traiter pour pouvoir te faire l'amour quoi. Exactement. Ouais, bah, c'est chelou. Casse-toi hein. Tu c'est ce que j'ai fait, je suis partie. Ah t'as bien fait franchement. Il y a Mathieu aussi qui est là, on va l'accueillir. Mathieu, il a 24 ans, il est d'Arras. Salut Mathieu. Ouais, bonsoir l'équipe. Salut. Salut. Bienvenue dans notre débat ce soir sur le Dirty Talk. Tu pratiques la petite insulte? Non, j'aime pas trop. Non, au contraire, toi t'aimes pas ça, vas-y raconte-nous. Bah, c'est une fois en fait, j'ai passé une nuit avec une fille. Et au bout du c'était 20 ans, et elle m'a dit putain vas-y sur la tête de ma fille c'est trop bon. Tuton? Sur trop la bon. Tête de ma fille c'est trop bon. Ah c'est trop bon. Non, c'est chelou ça. Putain. Ça m'a coupé quoi. Ah bah tu fais ça. C'est bizarre comme phrase quand même. Hein. Ah ouais non c'est ouais et alors ça t'a fait quoi? Ouais, ça m'a coupé direct. Ah ouais. Ça, en général, quand on met les parents ou les enfants, ah ouais, non, ça grave. Marche pas très très bien. Ah ouais, non, c'est. C'est bon, c'est jamais. D'accord, donc toi, ça t'a pas du tout excité, Mathieu? Non, pas du tout. Voilà. Pas cette phrase-là, en tout cas. Est-ce qu'il y en aurait eu d'autres qui auraient pu t'exciter ou vraiment, c'est jamais? Non. Non, jamais. Non, jamais. Ouais. D'accord, donc toi... Pas d'obligation non plus. Pas fan du Dirty Talk. Romain Avignon, est-ce que t'as une petite histoire à nous raconter qui t'est arrivée, toi, avec une fille? Ouais, avec une de mes ex. On est en train de le faire. Et même elle était réceptive, beaucoup réceptive à ça. Des fois, c'est elle qui me demandait. Et une fois, je me suis peut-être un peu emballé. Genre, je lui ai dit, t'es mon trou, en fait. Oh non. Et là, du coup, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec des yeux, genre, mais... Oh, ah. Qu'est-ce qui se passe? T'as peut-être poussé le bouchon. D'accord. Ah ouais. Ouais, c'est le moment où ouais. tu vas trop loin. Ouais, c'est ça, c'est un jeu. Donc, ouais. Tu sais jamais où est-ce que t'es. Je suis du bon côté. Ah, merde, j'ai franchi la barrière. Alors, pour jouer... Voilà. Et du coup, là, je l'ai regardé. Je me suis excusé comme fragile. Et bon, on a repris l'affaire. Ouais. Excuse-moi, c'est bébé, drôle. Je t'aime. C'est drôle en même temps. Après, faut en rire. C'est un jeu, faut en rire. Exactement. Et tu l'as bien dit, Doc. C'est un jeu. Je suis désolé, je suis allé trop loin. Mais bien sûr, ça peut être un petit jeu et pas tout le temps, quoi, parce que sinon. Ouais, mais comme ça, au moins, t'apprends, et la fois d'après, tu sais que ce mot-là, non, celui-là, j'y vais pas. Bah, merci à toi. Celui-là, oui, non, j'y ai plus jamais ressorti. Ah ouais, t'es mon trou. Quand même, c'est mon trou. Bah, c'était le sien, au moins, c'est beau. Ouais, mais ça veut dire qu'elle se limite à un trou, quoi. Ah ouais. Merci, Romain, en tout cas. Sarah également, Caroline, Mathieu, vous repartez avec du cadeau. Et on a Alix. Alix qui a une question à la con, là, maintenant, sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Ah bon, on termine avec une petite question à la con. Ah oui. Alix. Ouais, c'est le Carré Solis. Salut. Oula. Ouais, salut. Ça va, Alix? Ne parle pas trop près de ton téléphone. Éloigne-toi, Alix. Non, ça va. Là, c'est bon, là. Ah, c'est super. Parfait. Alix, tu as 14 ans, tu es de Toulouse. Tu as une question à la con, nous t'écoutons. Eh ben, en fait, je voulais savoir si on se coupe la teub, est-ce que ça repousse comme un lézard Essaye, envoie-nous la vidéo. Ah, putain, non, je ne te conseille pas. Alors, tu fais bien d'en N'écoute parler. N'écoute pas Alice. Ah, bah non. Ah, tu fais bien d'en parler parce que j'ai vu une news là-dessus, une petite info d'un mec qui avait depuis un an, je crois, une plaie sur le sexe. Puis le mec s'est pas inquiété, c'est un Indien le gars. Hein. Oui, c'est ça. S'est pas inquiété et tout. Et puis au bout d'un moment, il avait du mal, tu vois, à pisser et tout. Donc il a fini par aller à l'hôpital. Et pendant 10 mois, il est resté avec sa plaie et tout. Et ça commençait à suinter et tout. Et 2 semaines après, son sexe est tombé. Ah, nécrose. Voilà, il est tombé et le mec est mort. Avec. Tu vois, c'est pour une fois que c'est pas moi qui balance des histoires. Ah, mais alors comme moi, ça. Je ne savais pas que on pouvait perdre son sexe. Ah, bah oui, tu peux tout perdre. Nécrose. Mais une érection trop longue, ça fait une nécrose. Ah putain, mais genre c'était. Au-delà de 4 heures, une érection est dangereuse. Il peut y avoir nécrose tissulaire et tu peux la perdre. Putain. D'accord. 4 heures d'érection permanente sans une seule seconde où ça varie un peu. Hein. D'accord, ok. Donc les gars, la limite, c'est 4 heures. Ne l'oubliez pas et on va terminer avec ça. Et je remercie beaucoup Alix pour sa question à la con. Tu reviens quand tu veux, Alix. Hein. Gros bisous, mon poteau. Je reviens. Vous m'avez manqué. Je vous fais pas un gros bisou. Nous gros aussi, bisous. On t'embrasse fort. Et Loïc va terminer l'émission. Notre auditeur du soir. Loïc, c'est le moment. L'antenne est à toi, rien qu'à toi. Fun Radio est à toi ce soir. Vas-y, mon Loïc. Oui, merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était super cool. J'ai kiffé. Vraiment, vraiment, c'était énorme. Vous m'avez donné énormément de conseils. J'ai tout écouté. C'était parfait. Vraiment au top. C'est vrai ? Merci à toi. C'était bien ce soir ? Ah, bah vraiment au top. Comme tous les autres soirs, mais vraiment au top. Bravo, n'en fais pas trop, Loïc. C'est grâce à toi, Loïc. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Et nous, on revient dès demain sur Fun Radio, les nouveaux horaires de Love in Fun, 22h minuit, tous les soirs avec vous toutes. On va retrouver Adrien Thomas qui est avec nous. Bonsoir, Adrien. Oui. Hello. Ça va, Adrien? Super bien. Première fois que vous me passez l'antenne. Oui. 2018, plein de nouveautés. Absolument. Changeons les habitudes. Ah, c'est parti, Fun. C'est ça. Alors, ça change pas. Ouais. Toujours minuit, une heure. Non, mais je trouve ça vachement bien, moi. Carrément. Nous là, aussi. Là, en plus, j'écoutais, il n'y avait pas. C'est maintenant, dans les émissions radio, t'as toujours un fond sonore et tout. Et là, j'arrive, t'écoutes, tu sais. Ça me rappelle vraiment quand j'écoutais la radio et t'es vraiment dedans. T'écoutes le truc à fond. Et le moment où c'est ça, on a un fond sonore. Donc là on n'écoute plus. On va t'écouter en tout cas jusqu'à 1h du mat. Party Fun avec Adrien Thomas au platine. C'est le meilleur, donc on va kiffer. Merci, mais vous êtes aussi les meilleurs. Alors on s'aime, avec ça plaisir. Se ressent. Avec plaisir. Salut Adrien, bonne émission. Bisous, à demain. Ciao, à demain tout le monde. The biggest club in France with Adrien Thomas. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. C'est Adrien Thomas, minuit 3, on est en direct jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs, votre émission Party Fun. On se pose, on prend le temps d'écouter de la musique, d'écouter de la nouvelle musique, parce que j'ai plein de nouveautés pour vous. Alors, je suis tombé sur un morceau, une reprise de The Pointer Sisters. I'm so excited par Leandro da Silva. Génialissime, restez là, je vais vous le jouer avant 1h ce morceau. Le nouveau Funback aussi que j'aime beaucoup. Et puis on attaque avec David Guetta. Et puis cette version spéciale avec Robin S. Show Me Love versus Your Love. Exclu Party Fun.